Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Havana Gira, Havana Gira, Havana Gira. Alors, bonjour, bonsoir. Il a une petite flûte yiddish. Je l'ai sorti, ouais, clairement. On a commencé par un chant juif. C'est l'observation. C'est une affirmation qui est totalement exacte. Exact. Mais on voit qu'il y a un stigma sur quand même en France quand tu dis le mot juif, les gens disent. Oh ouais, non, bah, mais c'est vraiment des gens qui existent. Hein. Oui. Bah oui. Ah ouais. Mais en l'occurrence, tous les trois, vous avez et vous allez d'ailleurs nous l'expliquer. Un rapport avec cette religion. Pas ton émission. Tu m'as touché. Tu es invité. Et tu n'as même pas été présenté encore. Donc le bouquin. Le bouquin. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme accoutumé, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Et oui, bonjour, bonjour. Bon, il est très pressé, il est, oui, c'est vrai qu'on a. Je suis en retard. Non, je suis pas du tout pressé, tout va bien. Mmh. Un duo, un binôme, un couple, une paire, j'ai envie de dire. Vous avez sûrement vu sur YouTube ces deux personnes dans des vidéos comme Les plongeurs du bitume, La pétanque en pente, La voix off qui galère ou encore Part et revient beat. Oui. Ils ont commencé avec une émission intitulée Le Fat Show où ils ont invité des vedettes comme Jean-Michel, le nutritionniste ou Ariane, la danseuse de Zumba. Que vous les aimiez ou non, vous connaissez forcément leur nom. Il s'agit de Guy Stéphane et Salomon. Elle est belle. Hein. Meilleure présentation. Elle est très très belle. Il n'y a que toi pour avoir ça. Et tu as oublié le billard au Vipar également. Ouais. Que tu nous as soumis l'idée, je crois même. Non, c'était avant que j'arrive. Si, c'était nos premiers échanges sur du coup Twitter, je crois, ouais. À l'époque, avant qu'on arrive à Golden, et tu nous avais dit que c'était bien. T'es l'un des premiers à nous avoir dit ça. Ah oui, j'avais dit que c'était bien. Oui, c'est ça. Le billard au Vipar, qui était au billard avec des oeufs. C'est pas mon idée. Attention, on va couper. Paris revient vite. J'ai participé. J'ai adoré. D'ailleurs, c'était trop bien. On vous invite à regarder Paris revient vite. À noter, malgré l'amour que j'ai pour toi, ouais. Que l'expression qu'on les aime ou non fait toujours un peu mal. Horrible. Voilà. Je me suis dit. Tu l'as dit, bon voilà, pour bien indiquer qu'il y avait quand même des gens qui nous aimaient pas. Non, mais bon. Et ces derniers mois, on l'avait bien remarqué. Ah non, je suis retourné sur Twitter. Twitter nous adore. Non. Que vous les aimiez ou non. Putain, merde, il y a ça dans ma présentation. Quand il l'a dit, je me suis dit, ah oui. Mais c'est pour recentrer les choses, justement. C'était pour créer cette petite émotion que tu as eue et que tu as offert au monde. Attends, ça ressent. Il veut garder cette part du public qui vous déteste. Oui. C'est dommage de s'en séparer. Qui est pas négligeable. Pas négligeable. Alors, c'est le Floodcast. Déjà, on est ravis de vous avoir. Qu'est-ce qui se passe? Adrien vient de me bouger mon café. Alors, non, mais je suis. Non, mais si ça, c'est pas un truc qu'on se rappellera. D'ailleurs, coupe-le. Ça, sur le montage. Pardon, non, mais je suis très excité parce que, faut le dire, c'est très longtemps qu'on vous a pas vu. C'est vrai. Et que vous êtes là. Enfin, on vous connaît depuis très longtemps. Nous aussi, autour de la table, David est dans le premier épisode. Ouais, le tout premier. C'est vrai. Et je pense que Carlito, t'es dans les 10 premiers. C'est vrai. Donc, ça nous fait plaisir de vous voir. Franchement, d'ailleurs, félicitations pour la belle évolution du Floodcast. Merci. En tant qu'ami, ça nous rend extrêmement fiers. Oh, bah, et c'était vraiment pas gagné pour vous de réussir un truc. Donc, on revient de loin. C'est assez incroyable. D'ailleurs, si que ça c'est s'arrête, moi je suis vraiment. Je vis sous un pont, certainement. Je plonge dans l'anonymat le plus total et puis oublié, balayé comme une feuille par le vent. Puis tu flottes sur l'eau au bout d'un moment. Puis on fait bah, c'est quoi cette feuille? Oui, bah oui. Bah, c'est mignon. Elle est la ramassée à un moment. Elle est en train de courir. Elle était en haut d'un arbre. Et maintenant. Et bah, c'est pas vrai ce que tu dis. Oh, bon pote, j'ai réfléchi. Et je reviens sur ce que je viens de dire. Mais, j'aurais aimé un compliment spontané. Mais le fait que tu réfléchis, c'est très bien aussi. Non, mais les gars, on est amis depuis très longtemps. C'est surtout ça qui est beau. Golden Moustache, vous vous rappelez? Tout commence là. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, non, faux. Faux. Pardon. Je vous connaissais pas avant Golden. Oui, mais Flo, ah oui, moi, c'est oui. Bien avant. Moi, c'était avant. Flo Fat Show. Moi, ouais, mais moi. Toi, oui. Bah oui. Quelle est notre première occurrence? Moi, j'ai tout. Je me souviens très bien. C'était quand Golden Moustache était encore à Neuilly. Et nous, on arrivait au lab, donc appelé par Flaubert à l'époque. Appelé du centre. Et Vladimir Rodionov, bien sûr. Aussi, tout à fait, Vladimir, bien absolument. Et je me souviens que c'était toi, donc c'était toi le DA. Quand on est arrivé, c'était déjà toi le DA. C'est vrai. Et je me souviens qu'il y avait une petite pression. Genre, moi, je t'ai croisé, j'étais là, genre, ok, bon, bah wow, c'est le DA. C'est le DA, genre, ok. Ah ouais, ça m'a mis une petite pression de ouf. Comme les. Comme les destins peuvent aller se dans croiser. Des... aller à des vitesses différentes. Mais tu te dévalues, hein. Ah oui. Alors, tu découvres un Yaménia. Oui, c'est vrai. Et dis donc, t'es cynique parfois. Et toi, t'es Diams. Oh, le rap. Ah, regarde, il fait un petit bip. Bon, bah, je suis d'accord. Non, pour les auditeurs, déjà insupportable. Alors, c'est le Floodcast, le jeu du Floodcast. À Andorre, une bagarre a éclaté dans un spa. À votre avis, pour quel motif? Quelqu'un refusait de remettre son slop. Non. Et sache que je suis allé à Andorre. Ah, sans déconner. Voilà. Moi j'ai regardé Andorre, la série. Ah putain! Et moi le soir je m'endors. Ouais, très peu d'efforts. Il reste plus beaucoup de. J'arrive après la bataille là. Une médaille en d'or ou en d'argent? Oh, oui, ça fonctionne. Ouais. Non, mais... moins bien que les trois autres. Ah bah une merde! Et hein. Après, bon, t'as les trois autres, la mienne, est-ce que... vraiment rien. Oui, c'était le même. Reprendre le même mot dans une autre phrase. On est d'accord qu'il y a une connotation sexuelle ou c'est mon cerveau? Non, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau, hélas. Non, mais le mot spa, j'entends. Tu peux croire une bagarre. Pour moi, spa, je sais. Spa égale sperme à mes yeux. Oui. Ça, c'est la même étymologie. Hein. Ouais. C'est bien le sperme. C'est spa. Cela dit, non, mais vrai, j'allais à Andorre manger des raclettes et c'est un scandale, je me permets de le dire, excuse-moi. À Andorre, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais c'était vrai il y a 15 ans, ils te servent les raclettes dans un énorme bol déjà fondu. Donc t'as un énorme bol. Fondu, bah, par contre, ça. Eh ben non, c'est de la raclette fondue dans un bol. Voilà, ouais, bah, c'est un scandale, je pense qu'on va péter après, un câble. Vraiment, voilà. Pas la spécialité locale, mais... alors décharge. Non, pas du tout. C'est d'aller dans ce pays pour ça. Écoute, je suis allé au Brésil, manger une tartiflette, n'importe quoi. Peut-être pour ça. Peut-être le fait qu'ils en ont jamais vu de leur vie, qu'ils ont fait ça pour te faire plaisir. Manger une crêpe en Italie. Non, mais en catimini. Ça n'a pas rapport avec du sexe. Non. Mais ça a rapport avec du vomi. Non. Alors attends, moi j'ai, allez, moi, j'ai allez, une proposition. Un enfant. J'ai une proposition. On s'approche. Ah, merde. Parce que moi j'avais une proposition, c'était que quelqu'un a cru que c'était la SPA et voulait amener son chien. Oh. Putain, j'allais proposer un truc animal. Quelqu'un voulait faire un spa avec son chien, genre. Oh, ça aurait été trop mignon, mais non, c'est pas ça. Bah, ça aurait été terrible. Pour quelqu'un a pissé, a chié dans l'eau. Alors tu t'approches. Mais plus pas on pissé, est pas plus vomi ou plus vomi chier. Plus chier. Mais moi, quelqu'un pétait. Il pétait dans les bains. Il a pété dans le bain. Pas vraiment. Et ils sont battus. Il nous l'a dit. Le podcast est génial. Qu'est-ce que il c'est a devenu? Pété dans son bain. Si c'est pas le nom du podcast. Le podcast. Eh mec, attends, écoute bien. Cette émission, tu vois les dernières années, l'ampleur que ça a pris. C'est hype, c'est stylé. Et nous, il nous reçoit, c'est il a pété dans le bain. Non. Alors on voit que t'as pas écouté depuis longtemps. Si j'ai écouté l'émission. Vraiment. C'est la marque de fabrique. Raphaël, t'es en train de mentir. Non, j'ai écouté. Avec Rouge Dizem quand vous parliez des œufs. Rouge Dizem. Moi j'ai pendant longtemps je me suis demandé s'il s'appelait Roche Dizem ou Roche Dizem. Non, c'est je suis totalement d'accord. Ah, je crois que tu disais oui. Ah non non non, pas du tout, je suis absolument d'accord. Pour moi Roche est un super prénom. Bah Roche voisine, hein. Plus que Roche, oui. Peut-être que son prénom est Roche Dizet. Son nom de famille. Une journée en spa, c'est d'ordinaire la promesse d'un moment de calme et de détente. Mais dans le spa Caldea à Andorre, ça n'a pas été le cas. Une bagarre générale a éclaté dans les vestiaires. Général, hein. Ouais, mais c'est ça. De ces visions réputées dans la région, l'incident a commencé par un paix. L'histoire repérée par l'Indépendant et racontée par le site. Repérée. Oh, le journaliste. Le journaliste. Je crois que j'ai repéré un scoop. À l'investigation. Il a pris son carnet et tout. Lundi soir, vers minuit, plusieurs groupes se sont retrouvés simultanément dans les vestiaires du spa. Un usager se serait alors approché d'un membre d'un autre groupe et aurait. Pété. Ah, il a pas pété dans voisin. Le bain, il a pété dans le vestiaire. Dans le vestiaire près du gars. Ah oui, il a pété sur le mec. Ouais. Il a pété comme une vengeance ou comme un comme un truc amical. L'histoire ne le dit pas. Sachant que c'est un truc qu'on a vraiment performé à une certaine époque de péter sur les gens, ce qui est très agréable, ce qui est très différent de péter pour soi-même, qui est une attitude commune à l'humanité. Qui est personnelle. D'aller faire la démarche de se mettre sur quelqu'un pour péter, c'est autre chose. Effectivement, à une époque, on digresse, on va te laisser finir. Ah non, mais nous pétions sur les gens que nous aimions pas, ou alors nous les montrions du doigt très près. Sans dire quelque chose de forcément méchant qu'il a. Voilà. Cette attitude étant déjà assez méchante. Oui, il y a déjà une forme d'agressivité déjà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ton est monté entre les deux hommes, un échange de coups, des amis des protagonistes sont alors entrés en jeu et la bagarre s'est étendue dans le vestiaire impliquant près d'une vingtaine de personnes. Ah, quand même, pour un paix. Pour un paix. Le service de sécurité du spa n'est pas parvenu à mettre fin aux hostilités et a dû appeler la police. 6 morts. Non, je peux pas. J'aurais aimé. Pas du tout. Mais la liaison gazée. Oh ouais. Non. Oui. Si. Un millionnaire américain prétend avoir réussi quelque chose d'humainement et physiquement impossible, à votre avis? Rajeunir. Rajeunir, c'est pas ça? Très bonne réponse. Ouais. Bah, fin du podcast, en plus. Je vois bien ce mec qui est très présent là, sur les programmes, les reels, les shorts, tout ça. Et donc, ouais, c'est une. C'est un milliardaire très, très, très riche. Ouais. Ce qui est très bizarre pour un milliardaire. Et qui se met, qui fait tout ce qu'il peut pour rester jeune, c'est ça? C'est et ça. Très franchement, ça marche. Il a juste dit quoi couper et les gens disent waouh, mais il a rajeuni de fou. Qu'à 20 ans, quoi. Non. Il consacre quand même 2 millions de dollars par an à son projet pour réduire son âge biologique. Et apparemment, il a 45 ans, mais lui, il dit qu'il a le cœur d'un homme de 37 ans. Et le cœur, hein. C'est juste, il le dit surtout. Il n'y a aucune preuve scientifique. Il lui dit, alors vous avez aussi. J'ai 33 ans. Non mais quoi. Pourquoi vous avez pris une voix d'enfant? J'ai 33 ans. Non, vous dites juste sur quelles sont les preuves? Excusez-moi, c'est chimique, il y a quelque chose. Regarde, je te le dis. J'ai 33 ans. Cela dit, c'est beaucoup d'efforts pour passer de 45 à 37. Mais c'est ça. C'est pas énorme. Le chiffre est pas dingue. 55-25, je veux bien. Tu verras quand tu les auras, tu seras content de les gagner. Son quotidien est particulièrement astreignant. Le riche astreignant l'écran de pied, bien sûr. Ah, moi, astreignant, j'avais. Le mousquetaire. Oui. Ouais. Merci, voilà. François Civil. Le riche quadragénaire se réveille à 5h du matin et il se couche à 20h après avoir porté pendant 2h des lunettes bloquant la lumière bleue. Sa chambre est plongée dans le noir complet et son protocole impose qu'il dorme seul. Il prend 2 repas par jour. Belle vie en fait, t'es jeune mais vraiment t'as une super vie quoi. C'est ça. Il est pas vraiment jeune en plus. Il prend 2 repas par jour. Il lui est interdit de jouir. En fait, il est très jeune mais il a une vie de très vieux. Ouais, c'est ça. Bah, de même de personnes en fin de vie vraiment. Il est dans un caisson à oxygène et tout. Il est sous respirateur artificiel. Oh là là, la jeunesse. Oh, j'ai 33 plaisir. J'ai 33 ans. Oh là là, je pourrais faire du skate hein, mais. Le premier à 6h du matin, le second à 11h du matin. Une alimentation végétalienne et peu calorique, chou-fleur, brocoli cuit à la vapeur, champignons, lentilles noires. Dans le spa, là, je pense. Il pète dans le spa. Dans le caisson, ça doit être. Bien super. Sûr, il ne boit pas d'alcool et évite le sucre. L'homme s'impose aussi un entraînement sportif quotidien intensif avec 5 km de course à pied. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Manger des beignets ou de la pizza me dégoûte. Mais juste, c'est avoir un mode de vie sain en fait. Exactement. Quel rapport avec sa fortune? Il a dépensé des millions pour découvrir qu'avoir un mode de vie sain et tu te sens mieux. Je fume pas de clope, les gars. T'es milliardaire, toi. Bah, il passe tous les jours une batterie de tests et suit des traitements supervisés par une équipe médicale. Son sang est analysé régulièrement afin de surveiller l'évolution de son cholestérol, de ses triglycéridine. Bah oui, mais ça s'appelle pas être jeune, ça s'appelle être en bonne santé. Ouais, mais il est suivi de près. En tout cas, les médecins lui disent bah ouais, vous avez pas de cholestérol. Il fait putain, yes, la découverte. Ouais, pourquoi ce mec m'agace alors qu'il m'a rien fait? Si, il est agaçant. Ouais, il a dépensé des millions pour ça. Bah ouais, donne-la à des pauvres. Ouais, putain. Ah ouais, toi t'es engagé, t'es fort toi. Ouais. Est-ce que vous, parce que vous avez fait beaucoup de sport, ouais. On en a entendu peu parler. La transformation physique. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai pas utilisé le bon terme. Est-ce que vous, ça vous a vraiment changé quelque chose, même aujourd'hui, dans votre façon de voir la vie? Je parle pas que physique, je parle d'un truc. Ah oui. Ouais. Oui, bah oui. Déjà, quand tu fais du sport régulièrement, chaque effort qu'il y a à faire n'est pas un enfer. Ouais. Déjà, donc dans le quotidien, ça change. C'est-à-dire, genre envisager les escaliers de Saint-Laz, c'est plus genre, je suis arrivé, je vais pas être bien et tout. Donc tu sais que ça va. Courir, par exemple, courir dans la rue parce que t'es en retard, n'est plus un problème où tu peux plus respirer, tu dois prendre de la ventoline et tout. Donc oui, ça c'est ouf. Ça j'adore. Mais vous avez un peu arrêté quand même. Vous êtes alors oui, t'as alors des carréto en disant ça, mais c'est. Non, non, regardez vraiment. Vous avez arrêté. Hein, vous avez arrêté, Raph. T'as arrêté, Raph. En fait, on a fait cette transformation. C'était à but déjà perso et puis pour inspirer les gens, etc. Mais aussi pour la traversée. Il y avait ce truc. Oui, c'est vrai que oui. On fait la traversée et après moi j'ai repris tout. J'étais en mode vas-y c'est bon, on a fait le truc. C'était très très dur. Et d'ailleurs quand j'y repense, c'est un des moments vraiment charnières de ce qui s'est passé dans nos têtes, moi je trouve. Tu sais. Bref, c'était très dur. Et après j'ai tout repris. J'étais content de manger. J'étais là, je m'en fous complètement. Ouais. Et ça m'a remis mal. Ok. Donc c'est inhérent aussi à mon état d'esprit. Et là je refais du sport depuis que c'est parti en couille avec mon petit et tout. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Il y a ce que t'as dit, juste sur une bonne vie, mieux. C'est ça. Se lever, être plus en forme, les jambes lourdes, c'est bon, ça va. Mais moi, ça évacue ma rage. Oui. Quand même beaucoup. Voilà. Franchement, je suis mieux après la journée. Mais peut-être aussi, quand vous avez fait votre année, c'était assez extrême quand même. Enfin, vous faisiez quand même des entraînements régulièrement. Enfin, je pense surtout David, j'ai l'impression que t'en faisais quand même tout le temps. J'en ai fait beaucoup. Ouais. L'année t'en où on l'a fait. Dégoûté un peu quand même. Alors, pas vraiment. Ouais. pas vraiment, ça m'a pas vraiment dégoûté, bizarrement d'ailleurs, c'est parce que c'est pourtant un truc qui me correspondrait assez d'être dégoûté de faire un truc beaucoup trop souvent. Mais en fait, j'ai vu les effets étaient tellement positifs. L'endorphine, heureusement que ça existe. Quoi. Voilà, exactement. Même si toi, tu disais que t'avais du mal à. Elle vient pas facilement. Moi. Mais quand tu cours, Flo, non, toi, tu fais du. Je cours, moi. Ouais. Je cours, et tu le ressens, ce truc ? Maintenant, ça commence. Mais au début, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de sessions pour que je la sente bizarrement. Je sais pas pourquoi. J'avais pas la petite drogue, le petit frisson dans le dos. Il est probable que tes premières courses, quand t'as ouvri, elles étaient plus. C'était chiant. Ça, tu prenais horrible, pas les aimer, c'est pour ça, c'est que tu peux, entre guillemets, tu reviens de loin peut-être. C'est sûrement ça. Et parce après... qu'on vient de loin. Palapou, palapou, palapapa. On n'était pas très juste. Mais en fait, moi, j'ai changé il y a 4 mois ou 3 mois réellement mon rapport au sport. Parce qu'en fait, j'étais dans un truc où j'en faisais vraiment trop. Donc là, pendant à peu près 3-4 ans, j'en ai fait beaucoup. 4 à 5 fois par semaine, des séances d'une heure où je me dépassais à chaque fois, où vraiment, quand je finissais pas. Tremblant au sol, j'étais pas content. Et en fait, c'est grâce à Tiff, à ma femme, qui m'a vraiment remis dans le truc de mais faut arrêter en fait. Parce que déjà, mon corps ne bougera plus. Donc j'ai 36 ans, c'est fini. C'est 36 ou 37 ? 36. J'ai 36 je ans. Je serai toujours là pour te rappeler. Merci, merci. Et du coup, en fait, mon corps bougera plus. Enfin, tu vois, c'est fini. Je pourrais grossir évidemment, mais plus mincir plus, avoir me muscler plus, c'est fini. Et en fait, je me suis rendu compte que tous ces efforts ne changeaient plus rien sur ma vision que j'avais de moi-même. Je pouvais plus me voir plus beau ou quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, au lieu d'en faire 5 fois, j'en fais 2 fois ou 3 fois, un peu moins. C'est bon pour la santé, mais ça me tue pas non plus. Quoi. Ah, c'est bien. C'est bien d'avoir un rapport serein au sport aussi. Vraiment. J'ai eu besoin de temps. Parce qu'au début, en fait, le sport, pour moi, ça a été une bataille contre l'image de moi que j'avais jeune. Bien sûr. Ça. Et en fait, spoil, ça n'a pas marché. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je croyais que t'avais pris ta vengeance. Je te l'avais dit, même dans une vidéo et tout machin. C'est que, en fait, peu importe le sport que je faisais ou les contraintes que je me mettais, quand je me regardais devant le miroir, j'étais le même gars, ça a changé que dalle. Du coup, peut-être que là tu dis que t'es plus indulgent et tu peux en faire moins, c'est peut-être parce que peut-être tu t'acceptes du coup un peu plus que. C'est ça, en vrai, la vraie clé c'est pas de changer, c'est juste de s'accepter, je pense. T'as tout dit, c'est exactement ça. C'est pas encore gagné, mais déjà les 15-20% en plus d'acceptation en disant bon bah voilà, mon corps il est ce qu'il est. C'est ça le vrai, je pense, le vrai chemin. La vraie libération, c'est ça surtout. Mais je pense que t'avais peut-être besoin de passer par le sport intense et tout pour te rendre compte que c'était pas. Exactement. Et il faut parfois s'égarer pour trouver le bon chemin. Oh. Hélène, je suis un chanteur latino qui a écrit Game of Thrones. George R.R. Ricky Martin. J'adore ce jeu, putain. Un locataire. Il est très pressé, Florent. Mais pas du tout. Il écarquille les yeux comme quand il ment. Mais je mets du riz. J'en prends plein la gueule ce matin. Gros menteur. Je te fais un petit café et tout. Et comme ça, tu me remercies. Ce que t'as fait, Adri. C'est un peu, ou modérément, c'est une private. Faudrait expliquer. On peut expliquer l'enfort également. L'enfort, les gens savent. D'ailleurs, il a une enfort. Elle est ici, regardez. Regardez. Ah bah, c'est une enfort avec la moustache de Golden Moustache, un peu. Les gens savent que ton pénis est en forme d'enfort. Bah, maintenant, ils le savent. D'autant plus. Le pourcentage restant qui ne savait pas est au courant. Il y avait un petit doute qui planait, maintenant c'est clair. Le Wikipédia peut être corrigé. Ce que tu viens de faire à Flo en montrant du doigt, c'est l'équivalent, on en parlait avant, de. Putain, t'es fatigué, toi. Ou tu te sens. Je me permets de dire que ça n'a rien à voir. Petite correction. Et ben, tu sais quoi, en y réfléchissant, c'est vrai. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a un mec qui dit dis donc, t'as l'air fatigué, tu peux pas lui dire ah, t'as raison, bouge pas, je reviens dans 2 secondes, j'aurais plus l'air fatigué. Oui, c'est ça. Alors que par exemple, un autre truc, c'est possible. En fait, je voulais juste parler de ça, ça m'énerve. On peut dire que c'est parce que t'as croisé quelqu'un dans la rue que tu connaissais pas et qui t'a dit oh, t'as l'air fatigué. Ouais, Adrien m'a dit ça ce matin. En fait. Non, attends. Je te l'ai dit parce que tu m'as agressé. C'est vrai. En me traitant de pauvre con. Pour être gentil, si on voit les choses d'un point de vue assez positif, en général, peut-être les gens veulent dire ça en mode, sur un mode bienveillant. Genre, t'as l'air fatigué et ça pue la merde. Je déteste. Moi, je vois pas comment ça peut l'être. Parle-nous de toi. Ça peut être ça. Genre, t'as l'air fatigué. Comment va ta vie? C'est une sorte de ça va. Ou je m'intéresse à toi. Ça veut dire aussi ça. Peut-être. Non, mais un scoop peut-être pour les gens. Quand on est fatigué, on le sait. Donc pas besoin de nous le dire. Et quand t'es fatigué, le fait que j'ai aucune énergie m'avait mis sur la voie, donc pas la peine de me le dire. Le fait d'avoir envie de gerber quand je croise mon reflet dans le coup, par exemple, oui, je vois très bien de quoi tu parles. Le fait de se gratter la nuit. Eh ben regarde, t'as vu ça? Oh merde, eczéma? Oh. Ouais, je pense, ouais. Pourquoi? Ah, moi je fais beaucoup d'eczéma. Alors j'ai quelque chose pour toi, figure-toi, et c'est incroyable. Du miel. Non, c'est une source de soufre. dans les Cévennes, à côté de la maison de mon enfance, et qui est assez dingue, que j'ai retrouvé. Mon grand-père était mort avec le secret d'où elle se retrouvait. Je l'ai retrouvé là pendant ses vacances. Les gens peuvent pas trop se douter, mais Adrien fait non de la tête. Je pense que. Si tu peux faire un peu de bruit quand tu le fais comme ça. En frottant contre le Moi, micro. J'ai plus simple qu'une source dans les Cévennes. De la pommade. Ouais, non, mais c'est... non mais il faudrait mais il faut que je re... veux-tu c'est... que je t'en donne un petit peu que de... tu essayes c'est une eau c'est de l'eau juste que tu t'apportes tous les jours bah, j'en ai ramené ah, bah, lui. Ok je t'en ramènerai alors à la prochaine okay. À propos de source ça me rappelle qu'à Évian vous connaissez donc la ville d'Évian bien sûr il y a une source d'eau non alors il y a la source non mais il y a une petite fontaine et qui génère l'eau d'Évian et il y a la queue souvent et c'est très satisfaisant alors je vous donne un petit clou un petit tricks mais d'abord juste sachez-le c'est quand même assez cool clou. Tu fais la queue et tu récupères donc les gens viennent avec un peu un esprit un peu recyclage l'eau dit bidon ouais tu prends de l'eau d'Évian gratuitement du coup oui ah. Voilà c'est un peu cool et en fait il y a cette fontaine principale donc c'est ça l'esprit et c'est assez cool et il y a la queue et tu viens avec des bacs des bros déjà enfin voilà des bros ou des copines une sorte de calebasse des bros ou des copines et ça me plaît mais j'ai une faculté de concentration et bien sachez les amis qu'il y a cette fontaine principale et qu'il y a une petite fontaine à gauche moins connue oh là là. Et qui génère évidemment la même eau est-ce que quelqu'un a déjà fait l'idée de venir avec une bouteille de Vittel et de la vider dans cette petite fontaine par juste esprit de contradiction. Si tu la vides, ça ne crée rien. Bah, tu mets un peu de Vittel dans l'Évian. Oui, mais parce que ça recycle, non c'est oui, mais non, trou, parce que l'évier. Tu récupères ton eau de la fontaine qui vient elle en amont. Elle va s'évacuer. Ah, il n'y a pas un petit réceptacle, je dirais. Bah, le réceptacle, effectivement, Adrien, s'évacue. L'eau s'évacue. Okay. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, il y a ça aussi à la Butte-aux-Cailles à Paris, pour info, une fontaine d'eau de source naturelle. Dragon Ball Z, Butte-aux-Cailles. Oui, ça me plaît, c'est super. Oui, c'est geek. Ouais, putain, mal. C'est geek. C'est super. Geek. Mal, un petit non, peu... très très bien. Oui, oui, non, si, si, un peu karaté et tout, j'aime bien. Karaté. Karaté geek. C'est très bien. Karaté geek. Moi, quand je travaillais au McDo, une fois, il y a des gars qui sont venus avec deux énormes bidons parce que les gens pouvaient servir du coca à volonté à l'époque. C'était avant la taxe soda. Et mon métier était de leur dire arrêtez, mais ils étaient forts et flippants et quatre. Et je les ai regardés faire. Bien sûr, dans les yeux. Ne risquez pas votre vie pour un taf au McDo, si on peut vous donner un conseil. Est-ce qu'on ne devient pas adulte lorsqu'on prend moins de plaisir dans les buffets à volonté? Je m'explique. La notion de buffet à volonté, je pense pour vous me dites, enfin David, mais alors, quand t'es jeune ado là, que tu commences, genre t'as 20 ans, t'as. C'est gratuit. Voilà, c'est incroyable. Ouais. T'es là. Je peux reprendre? Tu te rappelles de notre buffet chinois à chinois à Saint-Michel. Incroyable, on y allait, c'était terrible notre comportement. Et ensuite, quand là maintenant je suis là, non, c'est peut-être moins. Non, je prends moins de plaisir. Est-ce que c'est être devenu adulte ou être devenu riche? Je pense. Ça va pas question. Avec les deux parce que moi c'est arrivé en même temps donc. Moi j'attends un des deux, les deux en fait. T'es en train de me dire que tous les adultes ne sont pas riches? Non. C'est incroyable. Ça se saurait, je m'en pense. Attends. Mais moi je repense un peu à l'éducation de mes parents. Sur le fini ton assiette qui est quand même dingue. Je sens que j'ai encore. C'est facile de tout mettre sur le dos de ses parents. Mais j'ai quand même un peu un truc de. Quand j'ai plus faim, faut quand même finir ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que mes parents étaient genre. Non, tu termines. Alors, j'ai deux choses à dire. Premièrement, moi, c'est pas du tout facile de mettre quelque chose sur le dos de mon père. Et deuxième chose, à la fois je suis d'accord, mais je dis quand même à mes enfants de finir leur truc, leur assiette. Ah, d'accord. Ah, tu les forces? Pas non plus. Ouais. Bah si. Non. Non, bah non. Excusez-moi, vous êtes un tweetos. J'ai pas dit ça. J'insiste jusqu'à ce qu'ils le fassent. Ouais. Ça s'appelle forcer. C'est drôle, mais j'ai pas dit ça. Je les incite à terminer leur assiette. Ah, oui. Tu les incites. Oui, oui. Et c'est vrai que ce serait mieux. J'ai dans ma tête le truc de bah, il y a vraiment des gens qui n'ont rien à bouffer. Bien sûr. Oui, mais je ne les force. Tu vas pas leur envoyer par doggy bag aux gens qui meurent de faim. Donc c'est ça. Tu m'agresses alors que j'ai. Je suis un peu d'accord avec toi. Non, moi je suis très heureux que ma femme, mes enfants ne finissent pas leur assiette. Vous savez très bien pourquoi. Oui, oui. Car c'est moi qui termine tout. C'est un plaisir pour ça, vraiment. Et moi, du coup, maintenant, je mange des pots pour bébé. Oui, vraiment. On finit les plats de nos enfants. Pas si mauvais. Non, oh, bah, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Nutritif. Tu parles des sucrés ou des salés déjà? Non, les salés. Là, oui, mais il y a des parce petits que toi, c'est bio à l'ail, c'est moulé dans le Dalai Lama. Moi, c'est au micro-ondes dégueu, hein, attention. D'ailleurs, hein. Non, c'est de moins en moins moulé dans le Dalai Lama. Attends, on s'éloigne. Il a moins la hype, vous avez vu. On a eu un flèche vers le bas. On n'était pas d'accord sur des derniers Dalai. On était fous. Attention, Dalai. Ouais. Suce ma langue, petit enfant. Non, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Suce-moi la langue, quoi? Pardon. Qu'est-ce que tu as dit là? Suce-moi la langue. Et les femmes doivent vivre en paix et les enfants doivent être projetés. Suce-moi la langue. Dalai. Tu comprends ça? Regarde-moi. Dalai. Dalai. Qu'est-ce que je viens de dire? Dalai. Qu'est-ce que tu as dit là? Et après. Attendez deux secondes. Il va me sucer la langue. Et non, après. Pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Les entremetteurs médiatiques de se justifier. Non, mais c'est une tradition. Voilà. Mais et après, peut-être, on sait pas vraiment. Mais oui, quand même, non, mais c'est une tradition qu'on peut arrêter. On peut moi, l'excuse de la tradition, ça ne marche pas. Quoi. Non, on peut dire à partir la de maintenant. La corrida, c'est une tradition. Bah, voilà. Arrêtons. Ah ouais, suce-moi la langue. Ça, excusez-moi, ça fait du bien de le dire. Redites-le, ça glisse. Bon, dites-le, après, dites-le de temps en temps, c'est incroyable. Donc, c'est lancé comme ça à la cantonade et pas à un enfant. Sur scène, à un enfant. Avec la forme d'un ordre. Légère insistance. Et d'ailleurs, même l'enfant, à un moment, l'enfant regarde un peu à droite. Il dit bon, je crois, j'ai pas compris. J'ai très envie de le redire. Allez, vas-y. Et suce-moi la langue. Ça glisse. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un toboggan. Tu veux le dire, tu veux le dire. Suce-moi la langue. Tu vois. Non, mais toi, c'est plus rugueux quand même. Ouais, ouais. J'ai moins rebondi. Faut l'imaginer comme un toboggan, effectivement. Un locataire a rendu fou son propriétaire. Là, dites-vous, c'est pas du montage. Hein. Ah non, c'est il moi, a enchaîné. Ah, il est fort. Un locataire a rendu fou son propriétaire. J'ai refait un parce qu'il avait mal pris. Ouais, mais tu l'as quand même coupé deux fois. Pour moi, ça va ça. Pour faire un compliment, je pense que ça va. Un locataire a rendu fou son propriétaire. Est-ce qu'on a le droit de couper si c'est pour un compliment, c'est moi la langue. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Question. On peut. Ouais. C'est plus excusable, on va dire. Ouais. Ça reste énervant. J'en conviens. Mais après, attends, 8 ans qu'on fait le floodcast. 8 ans qu'on fait le floodcast, mon pote. Ça après, attends. 8 saisons. Ça me gratte. Un locataire a rendu fou son propriétaire, à votre avis, comment? En faisant pendant 6 heures. Ça aurait marché sur moi. Je crois que là déjà. Bonjour, je viens pour le loyer. Yes, bon, alors d'accord. Attends, pardon, c'est un locataire qui a rendu fou son propriétaire. Exactement. En chiant dans un spa. Est-ce qu'il a tout simplement pas. Lui a pas laissé accès. À son bien, c'est-à-dire qu'il s'est barricadé dans l'appartement. C'est un appartement. Non. C'est un appartement, mais ce n'est pas. Il s'est pas barricadé. Est-ce qu'il l'a rempli de quelque chose l'appartement? Et pas de merde d'ailleurs. Non, je pensais plus sur un truc genre pisse-naboule ou. C'est vrai. Franchement, ça se tient. Ça aurait été sympa. Ouais. Une pensée à Apu des Simpsons, ça vous dit? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il le payait 1 euro de moins le loyer à chaque fois? Oh putain, mais incroyable, bonne réponse. Alors c'est pas 1 euro, incroyable. C'est 1 centime d'euro. Oh, c'est drôle. Chaque mois. Putain, c'est fou. Attends, qui c'est une news française ou pas? Il y a un rapport avec Apu? Non. Okay. C'est juste une fulgurance. C'est en Australie. Tu l'as vu passer ou non. Premier juré craché. Dans une population, dans une publication postée le 8 mai 2023 sur un groupe Facebook privé rassemblant des propriétaires, l'homme a demandé de l'aide aux autres parce que son locataire s'était mis à déduire 1 centime sur le loyer hebdomadaire versé sans explication parce que c'est hebdomadaire en Australie. D'accord. Selon le contrat signé par les deux parties, le locataire était censé payer 1 200 $ australiens. 740 € par semaine pour une maison avec 3 chambres. Le problème, c'est que l'occupant du logement verse depuis plusieurs semaines la somme de 1199,99 $ australiens. Un manque à gagner d'un centime pour le propriétaire. Il y a de quoi devenir dingue. Bah oui, parce que du coup, le proprio, il dit: mais je suis pas d'accord. Et je peux pas. Et je vraiment... sens que je l'air fou parce que je demande 4 centimes par mois. Et en gros, c'est un petit truc passif-agressif. Ah, ça l'est. Oui, parce c'est que. Et en même temps, une preuve. Je trouve que c'est à la fois ça et c'est aussi une forme de liberté. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est la personne qui se dit: eh ben non, je fais ce que je veux, c'est 1 centime, c'est pas grave. Et en même temps, je fais un peu ce que je veux. Il fait pas ça gratuitement, hein, le locataire. C'est qu'en gros, donc le propriétaire a envoyé un mail en disant: bah non, vous payez le prix. Et il dit oui, mais en même temps, ça fait quand même quelques mois que la porte du placard à linge grince, que le robinet d'eau froide de la cuisine a une pression trop élevée. Les proprios sont des pourritures globalement. Le conduit. Alors après, généralement des bonnes pinces. Le locataire. Réparer les trucs. On vous donne énormément d'argent pour faire rien. Donc peut-être réparer les trucs. Je sais pas. Oui, non, mais j'entends. Vous êtes des pinces. J'entends. Mais ce qui est très drôle, c'est que les critiques du locataire sont quand même un tout petit peu. Enfin, tu vois, c'est pas genre il y a eu un dégât des eaux, vous n'avez rien fait. C'est la porte du placard à linge grince. Ouais, le robinet d'eau froide de la cuisine a une pression trop élevée. Je comprends. Le conduit du climatiseur de la deuxième chambre fait un peu trop de bruit. Oui, oui. Il faut régler ça. Mais ça vaut le loyer, on paye pour ça. C'est ça qui est dingue. On paye pour ça. Je comprends trucs. Totalement. Si je devais rendre fou mon proprio, je ferais ça. Ça m'énerverait. Un mais débit. Non, je suis à fond avec cette personne. Donne-moi son numéro. Je l'ai malheureusement pas, mais je serais ravi. Est-ce que vous, il y a des petites manies comme ça chez les autres qui peuvent vous rendre fou? Oui. Une porte. Il y en a 816. Une petite comme ça débeauté. Adrien, peut-être. Oh là là, mais là, tu me prends en dépourvu. Des petites manies. Moi, les bruits de bouche, c'est compliqué. Hein. Ah ouais? Oui. Ah, c'est fou. Alors que moi, pas du tout. C'est vrai? Même je comprenais pas parce qu'à une époque, au Floodcast, on faisait vraiment pas attention. Et on mangeait dans les micros et tout. Et je comprenais pas du tout. Dans les micros, ça me rend. Moi, c'est dingue, moi, pas du tout. On dévie, mais moi, quand il y a eu l'ASMR et les gens qui chuchotent et qui. Moi, les chuchotements dans un micro. Il y a une montée de haine en moi, quoi. Ah ouais, c'est même dans les pubs où tu sais. ah, ils font les promotions. À la radio, les pubs radio pour ça. La voix qui rajoute la mention légale, plus monde dingue. Ah, qui va très vite. Oui, et donc qui du coup se presse. Mais moi, tous les chuchotements, je sais pas, il y a un truc dans mon cerveau de je ne devrais pas entendre aussi bien un chuchotement. Ah ouais, donc je sais pas, il y a un truc qui est mon cerveau. Il pourrait pas être un cheval dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, par c'est exemple. Ça, tu pourrais pas du tout être ce mec. J'ai envie de partir au galop. Loin autre chose qui peut m'agacer, quelqu'un est dans la pièce, on va dire Adrien parle de David, d'accord ? Ok. En disant, ouais, il. Ah, parler à la troisième personne. Voilà. Ah, là, la personne est présente. Ouais. Ah, je comprends. Ça je, me... ça, le manque de respect, oui, je voilà. déteste ça. Mais embrasse-moi. C'est okay. un grand. Non, mais c'est un grand. La grand liste manque. Va être très longue. Ah, oui, c'est ça, on est parti. Il y avait une vidéo de Russell Brand. Je sais pas si vous voyez qui c'est Russell Tout Brand. À fait. Chanteur. Qui, humoriste, ouais, mais je crois un peu. Ouais, ouais. Qui a d'ailleurs pris un virage un peu bizarre, apparemment, ouais, ouais. un peu de qui droite. Était le, qui, ouais, était, qui était le peu... mec de Sans Sarah Rien ne va. Voilà. Voilà. Ouais. Et qui a pris un virage un peu complotiste, ouais. bizarre, oui, apparemment. Tout à fait, il est complètement ouais, dans votre ouais. podcast. C'est ça, ouais. Mi-spirituel, mi-complotiste. Alors ouais. qu'il y avait une période où. Bon, et il y avait une émission où il était invité, et t'avais, c'était la BBC ou un truc comme ça. Et les journalistes, y avait, la journaliste disait: ah, oh non, mais quand même, il est bizarre, hein. Et il disait: mais je suis là, arrêtez de parler. Et elle disait, et elle le refaisait trois oh, fois. Oui, oui, et bah, disait: mais arrêtez, je suis là, vous parlez de moi à la troisième personne, c'est hyper mal poli. Ah, j'avais adoré à l'époque. Voilà. Ensuite, troisième chose. C'est une liste de 50. Ça sent une liste, hein, pour info. Les gens qui. Non, mais c'est fou de me dire ça, c'est mon truc. C'est ma lutte. C'est ma lutte. J'ai conscience que c'est chiant. Les gens qui disent: je t'ai pas appelé, j'ose pas te déranger. C'est le principe. Tu m'appelles. Et si je suis occupé, je ne répondrai pas. Oui, oui, oui. Je ne répondrai pas. Ça, au téléphone, j'avoue qu'il y a aucune. Voilà. Alors, le téléphone t'ouvre aussi une petite porte de mon côté, effectivement. Il y a plein de choses. Moi, récemment, c'est les gens qui t'appellent. Donc tu ne réponds pas, t'envoies un texto genre: je suis sur un truc, je suis occupé, peux-tu m'envoyer un SMS ou un audio où tu m'expliques le truc? Et il te dit: non, non, t'inquiète, je te rappellerai plus tard. On a besoin de le dire en direct, ça, j'aime pas ça, trop. Ça, mais ça, oui. Moi, j'aime pas trop. J'aime un petit audio, un petit message qui résume pourquoi, les audios. Pour moi, ça. Répondez à la personne par le même moyen de communication qui vous a contacté. Si vous envoie un texto, je peux pas vous rejoindre. Je peux pas vous rejoindre. Ah ouais, là-dessus. Ça dépend du, ce que t'as à dire quand même. Ça dépend de ce que t'as à dire. Moi, je trouve que le répondeur sert à ça. Dis ce qu'il y a sur. Déjà, les gens sur le répondeur qui disent: je te rappelle, ou des choses comme ça. Rappelle-moi. Ou rappelle-moi. L'horreur. Les gens disent: rappelle-moi, mais ils disent pas pourquoi. Il faut donner l'intitulé. Rappelle-moi. Il faut donner l'intitulé. Ça, c'est vrai. Donner le sujet. Le sujet, je suis d'accord. Mais ensuite, le développement de manière orale, c'est vrai que c'est toujours plus fluide, quand même. Oui, mais je parle juste du sujet. Mais parfois, parce que on a nous, David, ça va là-dessus. Mais je pense, hein, vous me dites, on n'a pas envie de parler aux gens parfois. Ça nous, voilà, c'est on a parfois. Très souvent. Non, non, non. Mais moi, je trouve que moi, c'était quand j'étais un peu moins maintenant, mais quand j'étais illustrateur, par exemple, les gens insistaient pour me briefer le boulot par téléphone. Et j'ai été envie de dire: bah oui, donc tu vas me le dire à l'oral. Je vais l'écrire pour pas oublier. Donc ouais, envoie-le-moi directement par écrit, en fait, parce que ça n'a aucun intérêt. Moi, j'aime bien faire les deux. J'aime bien faire un premier brief. Quand il y a quelqu'un avec qui je bosse, un premier brief oral, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un échange. Tu vois, c'est bien d'avoir le mec qui dit: ah, oh, ça, je le sens pas, ok, machin. Et après, effectivement, si tu demandes, tu fais quand même un récap écrit, mais c'est pas à l'autre de le faire. Là, je suis d'accord. C'est marrant, je rebondis sur ce que tu dis, parce que peut-être, moi, c'est lié au fait que quand on m'annonce un truc par téléphone, ou qu'on me demande du truc de taf, ou des questions, des choses, est-ce que c'est parce que je suis plus quelqu'un qui, dans la vie, écrit? Je suis pas bon. Donc, de toute façon, tu vas jamais m'entendre dire: ah, oh, je sais pas, je vais faire. Ah bah ouais, ouais, ça peut être cool, ouais, ouais. Et après, je te rappelle le lendemain en disant: ouais, non, je peux pas, désolé, machin, et tout. Je suis pas bon à ouais, répondre ouais. tout de suite sur le moment où. Bah oui, mais en plus, c'est qu'à chaque fois, tu dis jamais oui tout de suite. Tu dis: bah écoute, je vais réfléchir. Machin. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais étant votre ami de longue date, je pense pouvoir affirmer que vous n'êtes. Je parle de Flo et Adrien, joli. Vous n'aimez pas parler trop au téléphone. Ah non, moi, je. Non. Alors, au téléphone, j'ai horreur du téléphone. Voilà. Toi, tu le dis dans ton répondeur, genre: n'hésitez pas à laisser un SMS plutôt. Je crois que tu dis un truc comme ça. Je sais même plus ce que c'est. Mon... C'est pas toi qui dis. Venez, ça. Venez, on imagine les répondeurs des autres. Bonjour, c'est Carlito. Fais pas des bruits de bouche là pendant. Oh non, ça va m'énerver. Ouais, bah c'est ça en plus. Ah, c'est fort. Non, moi, le truc qui, parce que je suis le seul qui a pas dit un truc bah qui non, est nerveux, demandé, mais parce que c'est dur pour moi en vrai. Arrête. Non, mais arrête cette petite mascarade. C'est pas une mascarade. Je suis assez ouvert avec ça, ça ne me dérange pas trop les petits trucs des gens. Ouais. Mais c'est des trucs un peu plus durs. Mais oui, c'est ça. On va ouvrir, on va tirer le fil. Ça. En vrai, je suis ok. Parce que je me demande si d'ailleurs je me mens pas à moi-même aussi. Ouais. Est-ce que je me mens pas à moi-même? Bah peut-être. Peut-être. Mais moi, par exemple, le truc qui on me rend tous à nous-mêmes, hein. fou complètement, mais ça me fait passer vraiment de 0 à 1000, c'est une personne pas gentille. Wow. Qui dit des propos. Tu vois, quand même, il y en a. Non, non, c'est les gens, par exemple, qui sont à des guichets ou qui sont au téléphone. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, les gens avec qui tu dois avoir une interaction pour obtenir quelque chose. Et qui parlent à quelqu'un d'autre. Non, pour moi, qui sont en mode robot. C'est-à-dire qu'ils sont dans une aucune empathie. Humanité, empathie. Ouais. Tu vois, parce que moi, ça me dérange pas. Tu vas à un endroit, le mec, il dit, ah bah, il fallait ce formulaire-là, ou peu importe. Là, je suis dans les années 80. Ouais. Mais tu vois, et que le mec dit, je suis vraiment désolé, j'ai essayé le max et ça passe pas, il faudrait que vous reveniez et tout, on n'a pas le truc. Ok. Mais le mec, il dit, non, c'est tout. Non, c'est ça. Non, il n'y a plus de place. Bien sûr. Bah, et là, tu dis, mais putain, mais dis-le-moi au moins avec un tout petit peu d'empathie, putain. Sinon, mais un robot, quoi. Ouais. Ça m'en fout, ça. C'est ce qui est en train d'arriver, je te rassure, c'est ce qui est en train d'arriver dans le monde, voilà. Visiblement. C'est ça. Les robots remplacent. Donc là, je pourrais plus m'énerver. Putain, mais t'es un robot, toi. Oui, regardez. Mais en plus, je pense que les robots, du coup, seront beaucoup plus polis. Parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT. Très, très poli. Très poli. À chaque fois, il dit, je suis désolé d'avoir commis une erreur. J'ai fait de mon mieux. Mais arrête maintenant. Si tu veux dire des trucs, tu veux lui faire dire des trucs horribles, il fait. Je suis désolé, je suis un robot, je ne peux pas dire des choses aussi. Bah, j'en ai conscience. Moi, j'ai réussi à lui faire dire sans faire exprès, lui faire dire des gros mots. Ah ouais. C'est que je lui ai dit parce que on peut lui attribuer des rôles, on peut lui dire tu es telle personne et tu vas me répondre dans ce rôle-là. Ah, oui. Et je lui avais dit tu es en pleine crise d'adolescence et tout ce que je vais dire va t'énerver au plus haut point. Et donc et là il a dit ouais vous les adultes vous êtes tous décoincés du cul et tout. Il a dit plein de gros mots. ChatGPT. Enfin. Ah oui, et un truc que j'ai. Que j'ai fait en live aussi, c'est que je lui ai dit, je sais plus pourquoi, je parlais avec ChatGPT, et je lui ai dit, mais attends, ça pue, t'as pété là. Il disait, non, je suis une IA, je suis incapable de péter. Et je disais, ouais, c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui a pété et tout. Mais je mourrais de rire qu'une IA se justifiait de ne pas avoir pété. Et vraiment, il insistait, il disait non, j'ai bien conscience que c'est drôle. Il disait vraiment ah ça. Oui, disait, même, j'ai ah bien oui. conscience de la blague, mais je ne suis incapable de péter et tout. Et après, je lui disais ok, pardon et tout. On continue de parler. Après, je lui disais mais bon, t'as pété. Il disait non, vraiment. Cela dit, le jour drôle. Où, effectivement, dans les robots, ils mettront une petite capsule ou une petite boîte avec une odeur de paix, une odeur de paix, et qu'ils pourront péter sur commande. David, t'es pas sérieux. Mais il est incroyable. C'est précisément ce qui se passe dans ta vie. Oui, c'est précisément ce qui se passe. Il a une Tesla qui pète. C'est vrai. Et il passe ses journées. La dernière fois, je me balade à la gare des Vallées avec les enfants. J'entends littéralement. Eh mec, tu rigoles, c'est absurde. Non, mais je parlais de l'odeur. Ça définit sa vie actuellement. L'odeur, il parlait de l'odeur. Ah ouais. Mais non, mais vas-y, je vais raconter l'anecdote. Et ben, j'entends une voiture qui pète. Et je vois David qui est là. Ah mec, tu fais péter un robot. Ah ouais, ah mais ça c'est génial. Franchement, le fait d'avoir fait une appli bien pensée comme ça, hyper facile d'accès, avec tous les trucs hyper simples, sécurité, climatisation, tout ça machin, et juste il y a paix. C'est génial d'avoir juste pensé de mettre ça. Ouais. Je suis pro paix et je le serai jusqu'à ma mort. Toujours. Même si les gens, certaines gens. Ouais. Peuvent dire oui, t'es pas trop pète. Ah, ça me dégoûte. Je te jure, j'aime pas. Et je ne pète pas en public ou avec ma meuf et tout. Oui, je pète pas en. Oui, non, si. Vous venez de dire l'inverse au début de l'émission. Vous pétez sur les vous gens. Pas, si, tu pètes totalement public. Les gens qu'on n'aimait pas. Non, moi je pète très très peu. Et je suis même très mal à l'aise quand je pète en vrai. Et ça vient d'où? T'es mal à l'aise de tes propres pets? Ouais. T'as un trauma de pets. Oui, il y a un trauma d'enfance. Non, juste ça me dégoûte. Tes parents t'ont dégoûté de tes pets, ta mère. Parce que ça sort du cul et que ça sent la merde. Et oui, du coup, bah, moi, j'aime c'est pas tout trop. Ce qui est hilarant en fait. Non, mais par contre, j'aime beaucoup. Ah, quand je fais une blague, ça me dégoûte parce que c'est un truc drôle qui sort de ma bouche. Oh, ouais, mais c'est pas pareil. Ça pue le caca. Ça sent le caca. C'était une blague, bande de cons. Évidemment que je compare pas vraiment les deux trucs. C'était une blague. Ah, j'ai incarné un personnage. Non, c'est moi. Ta gueule. Ta gueule. Est-ce que le son d'un pet fait rire? Alors non. Exemple. Dans la fiction, ça fait rire. Dans la fiction, ça fait rire. Ah oui. Tu vois donc. Mais non, oui. Il aime le son sans le principe. En fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme la violence. L'odeur de merde, exactement. Il aime pas la violence dans la vie, mais la violence fictionnelle le fait beaucoup. Tu aimes le son de la violence. Le son, ouais. Non, mais la violence au cinéma, j'adore. Mais les paix au cinéma, j'adore. Mais dans la vie, ça me dégoûte un peu. Récemment, je sais pas si on peut le raconter. Mais on verra. Yvick fait des stories privées. Oui. Où il lâche des caisses dans des endroits. Et Adrien a trouvé que le père ressemblait au début. Je peux faire écouter peut-être. Bien sûr. Au début du. Alors, je vais mettre d'abord la vidéo originale. Ouais. Et après, alors, ça, c'est la vidéo originale. Yvick pète Yvick, dans un ascenseur. Oh non. Voilà, ça, c'est le père qu'on vient d'entendre. Attends, je le remets. Il est bien. Okay, il est un beau père. Et du coup, j'ai dit, putain, on dirait Bon, je vais... On dirait la première note de la musique de Pulp Fiction, son père. Donc, c'est vrai. Écoutez. Voilà. Bon, bah, ça, le temps accordé à ça dans sa vie, c'est ça qui est le mieux. C'est dans bah, tout. Cela dit, tout ça, prend sens maintenant. Ça justifie. C'est la, le, comment dire, oh. la preuve de ce qu'on disait dans le dernier podcast. Ah oui, oui. Que je prenais du temps pour vraiment. Là, j'ai juste jusqu'à présent, je l'avais juste envoyé à Evic, quoi. Ah, c'est un bonheur. Il faut faire ah, ça. Bah, faut que tu continues. Ah oui, oui. Non, mais je dis ça, mais c'est justement c'est ça qui rend le truc extrêmement drôle en plus de ça. Mon deuxième fils pète énormément. Ah ouais. Et c'est génial. Et il fait des petites mises en scène. De toute façon, à partir du moment où tu l'es, non, c'est pas Étienne. C'est l'autre dont le prénom est connu. Brunswick. Parce qu'il y a Étienne, Jonah et Yannick. Yannick. Techniquement. Le petit Yannick, quoi. Qui... Il faut l'expliquer aux gens ou. De quoi. Ou garder la magie. Ah non, expliquer aux gens peut-être. Ah, c'est important. Il est bien ce truc. Mais, ah oui, oui, oui. Mais attends. Les auditeurs. C'est juste que moi, je pensais que tu voulais semer le. Ah là maintenant. Bah non, tu préfères sur les réseaux et que ici, ça ouais, soit, voilà. Parce qu'on est très écoutés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va dire que les auditeurs sont privilégiés. Les auditeurs de podcast. Alors en gros, bah, tu veux que je raconte ou. J'aime bien. Je corroborerai. Ok. Tu me contrediras. Non. Mais je te couperai. Là ou l'autre. Oui, j'espère. Non, en gros, quand tu as annoncé. Je peux pas te laisser dire ça, mec. Je suis désolé. C'était ton premier fils, du coup. Tout à fait. Voilà. Quand tu as annoncé sur les réseaux, sur Insta, la naissance de ton premier fils. J'ai écrit dans les commentaires bienvenue au monde petit Étienne ou un truc comme ça. En sachant que c'était pas son prénom. Sachant que c'était pas du tout son vrai prénom. Donc c'était je sais même pas si on peut dire que c'était une blague, mais c'était juste dire le mauvais prénom me faisait rire en tout cas. Et ce qui est drôle, c'est qu'après il y a eu un article de je sais plus quel Pure People, genre Torchon. Un mauvais média. Un très mauvais média qui a fait un article donc sur toi et ta compagne en disant le fils de Guy Carlier, je crois, en plus ils disent un truc comme ils ça. Ils préciseront toujours ça. Ouais, de toute façon. On passe en déchet. Avec sa femme Erika et son fils Étienne. Donc ils ont vraiment repris l'info, genre comme si par argent comptant, sachant que c'est vraiment la seule source, c'est mon commentaire. Leur source journalistique était un commentaire d'Adrien Meunier. Ils se sont dit en salle de rue, bon, c'était là, ouais, magnifique. Il n'y a pas de salle de rue, oh là là. Et du coup, on s'est dit que pour le petit dernier, là, il fallait refaire ça. On a raté le coche, malheureusement. On a raté on le va coche. Essayer de. Et on s'est arrêté sur le prénom Yannick. Mais c'est très bien. Restons comme ça. Ouais, c'est Yannick. C'est Yannick. Ah, c'est Yannick. Voilà. Donc, si jamais il y a un jour, vous voyez un article qui mentionne le prénom Yannick, vous saurez qu'on a réussi notre coup. Alors que c'est pas Yannick. Sachant qu'on avait sur la chaîne secondaire fait une review des pires articles sur c'est nous, vrai. Et donc on avait retrouvé cet article, on l'avait parlé. Donc partagé aux gens, et quand on allait faire les concerts, qui étaient quelques semaines après, les gens criaient Hey, Jen, c'était très stylé. Et pour en revenir au pêche, je me suis rendu compte que je peux pas être bien réveillé sans avoir fait un gros prout. Ah ouais. Après, t'as déjà faim toute la journée. Genre vraiment, non, mais genre, ça fait partie de mon truc, je me réveille, je suis là, ok, et très vite il arrive, donc c'est dans les 5 minutes. Et c'est après cette énorme paix infâme que je suis là, genre, celui-là, c'est bon. Ça me fait penser à un sujet diablement important. Attends, ça a rapport avec les paix ou pas? Pas, oui, il y a une extension de paix. Mais okay, si alors, tu restes dans le paix, vas-y. Parce que moi, je me suis rendu compte récemment que parce que je suis célibataire et je pense que vraiment une des vraies raisons pour lesquelles je ne date pas, je n'ai pas envie de me retenir de péter. C'est terrible. C'est un enfer. Ce serait insupportable. Je ne sais pas comment les gens font. Ah, c'est simple. C'est très simple. Pète en couple. Oui, non, mais non, je parlais pas couple, de toi. Oui, je parle d'un date. Pour un date, moi je me retiens de péter en couple. Moi, je ne peux pas. Mais ça, pour moi, là, autant me jeter. C'est parce que toi, Flo, tu ne pètes pas. Moi, je pète pas. C'est ça, je trouve ça pas dur. Oui, pour toi, c'est pas dur. Pour toi, j'ai une terrible alimentation, tout ça, mais c'est pas difficile. Moi, c'est terrible. C'est la sensation, tu sais, de quand il est prêt à sortir. Et que tu resserres et qu'il remonte, c'est horrible. Non, mais en plus, surtout qu'un date, c'est pas un paix, c'est t'en retiens 50. Encore 30 minutes. Et après, tu fais un paix de 12 minutes une fois que c'est fini. Et celui-là est intéressant à analyser. Celui-là peut être analysé. Ça, je peux le faire tout seul dans les écoles. Pour l'obtenir. Moi, je suis genre non, mais. Le sexe ne justifie pas. N'est pas assez fort. N'est pas assez bien. En tout cas, le sexe avec moi n'est avec pas assez moi, fort. Vraiment. La balance, c'est moins bien. En extension de paix, j'ai un vrai sujet. Le caca. Ouais. Je chie. Et je vous donne des chiffres. Oui, putain, c'est incroyable. Et oui, les garçons. c'est pour ça qu'il y a un auditoire, j'aimerais. Ça, c'est fou. Réellement, et sans exagérer, on est parfois dans le divertissement, on va pousser les potards. On est sérieux. Je chie tous les 3 jours. Ça, c'est fou. Voilà. Alors, et tous les 3 jours précisément, tu chies tu gis vraiment un furet, un baleineau. Un furet, ça me plaît. C'est quelque chose. Je chie un furet tous les trois jours. Qui a une identité, qui tu vois. Je chie un furet tous les trois jours. Petite, un peu long. Peut-être. C'est vrai que mes cacas sont immenses, mais ils sont nickel. Et est-ce que genre t'as mal au ventre un peu, t'as le ventre dur, pas du tout, à aucun moment. Ouais, je sais pas. Bah s'il y a des gastro-entérologues, ça m'énerve que Adrien il doute de mon transit, alors que moi je suis plutôt dans le truc de genre ça marche bien. J'ai rien c'est dit. Bien. Si. Non, doutes. Parce qu'on se dit, c'est étrange. Ça va pas ou quoi. Non mais on peut. Sans que tu veux. Sans que tu veux ce que tu veux, mais moi douter de ton transit, mais ça va pas ou quoi. Non, mais j'ai rien dit en plus. Non mais parce que je me dis, si t'avais mal au ventre, on pourrait dire il y a une dysfonction quoi. Ah bah évidemment. Un dysfonctionnement plus long. Mais non. Ouais. Mais peut-être que du coup, je sais pas. Après, il y a peut-être. Tu manges. Ah, tiens, c'est ça que je vais te. Tu manges des fibres quand même assez. Je sais pas dans quoi il y a des fibres. Je mange les bien. Légumes. Les légumes, ouais, régulièrement. Légumes cuits. Très régulièrement. Les légumes cuits, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas, quelle est votre fréquence de caca? À moi, c'est plusieurs fois par jour. Moi aussi. Ça me paraît dingue. Moi, c'est le quotidien, une fois par jour. Tout bah, moi, ouais. Ça me paraît dingue. Mais ouais. Moi, ça peut aller jusqu'à trois fois. C'est déjà allé jusqu'à trois fois pendant plus, plusieurs semaines. Tu cours, toi, en plus. Oui. Quand tu cours, ça donne méga envie de chier. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent là que je fais caca. Ah, d'accord, incroyable. Bah, moi, ça dépend. Par exemple, le jour du tournoi 3 contre 3 de basket, là, c'était 7 fois. Mais oui, non, non. Bon, après, j'étais stressé. Non, c'était pas le stress. J'avais mangé un. J'ai eu l'excellente idée de manger. J'ai un burger la veille au soir. Parfait. Vraiment très très mal. J'ai chié même au stade, au palais des sports. Je suis allé yesh. T'allais dire un truc, David, pardon. Non, je disais juste que je me suis rendu compte même que les fois où je me sens le mieux dans mon corps, c'est les fois où je fais caca le plus dans la journée. Ah ouais. C'est-à-dire que si vraiment j'en suis à 2-3. Mais t'es très connecté à ton corps aussi, c'était un truc un peu comme ça. Bah, je sais pas. Ouais. Si ça le l'est, c'est assez récent chez moi. Ouais. Mais je me suis rendu compte de ça. Ouais. Quand je me sens bien et que je suis bien, c'est que ça part seul. Et dès que c'est pas. Non, au moins une fois par jour. Sinon, non. Moi, c'est notamment pour ça que avant un tournage, je me lève beaucoup, beaucoup en avance. Et tu te bouscules. Et je ne me réveille pas parce que tu vas chier. Je me réveille quand même. Ouais, okay. C'est comme je me réveille pas et je chie malheureusement. Non, c'est que je peux pas aller sur un tournage en ayant envie de chier, mais ça me c'est fini. Ah non, mais c'est ça me monte à la tête. Sachant que comme de la fièvre. Je sais pas pour vous, mais couplé à ça que moi je ne peux pas faire caca ailleurs que chez moi quasiment. Moi, les seuls endroits où je peux faire ailleurs, c'est uniquement si je sais où est-ce que genre si je veux aller chez toi là, je suis désolé, je vais te demander ou du gel hydroalcoolique ou de la Javel ou un truc quoi. Ou du PQ, enfin des trucs fous quoi. Du PQ non. Moi je me suis libéré de ça. Je suis libéré de ça. J'étais comme ça avant et je m'en suis libéré et vraiment c'est peut-être mon plus grand accomplissement dans la vie. Comment as-tu fait? Je veux bien savoir. Je sais pas, j'ai rien. À un moment je me suis dit, abandonné. Non mais c'est juste que je me suis dit, je déteste tellement genre évoluer dans la vie en ayant envie de chier. Oui. Dans la balance ça pesait plus quoi. J'ai dit non vas-y tant pis je vais. Okay. Mais cela dit dans les toilettes publiques je m'assois pas. Sur la cuvette. Je squatte. Moi, je passe du temps à nettoyer. C'est une alternative. Moi, je squatte. Mais comment faire pour squatter et faire caca? Je ne sais pas le faire. Ah bah, avoir très envie. Je voudrais venir avec toi un jour. Vraiment, faudrait que tu me montres. Sur la traversée, t'as pas squatté. Alors, pendant la traversée, en fait, on a mangé très peu. Okay. D'ailleurs, on a fait notre premier repas que le deuxième jour et demi. Ah ouais. On a mangé que des bars machin et tout. Et en fait, tu fais tellement d'efforts. Sardines. Que tu ne fais pas. En fait, t'as pas chier. Parce qu'en fait, tout ce que tu manges. En fait, comme on mangeait rien qui lâchait de. Alors, ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné avant de rien manger qui fait beaucoup de détritus dans le corps. Ouais. Donc que des trucs que le corps assimile vachement et comme tu fais 8 heures de rame par jour, un truc qui fait 700 kilos, du coup pas du tout envie. Putain, incroyable. Mmh. Des gros pipis par contre. Ouais, des gros pipis dans l'eau. Parce que tu bois beaucoup ça. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Savez-vous qui est la Zara? Oui, l'Eurovision, bien sûr. Ah, savez-vous pourquoi elle a créé la polémique? Un doigt d'honneur. Oh là là, mais il connaît tout ce mec. C'était assez curieux, j'ai pas vu les images. Ouais. Mais je me suis dit, c'est mauvais quand même. Ah De loin, j'ai eu l'impression donc, qu'elle a fait un mauvais score, un mauvais classement. Elle est arrivée 16ème, ouais. C'est pas dingo. C'est pas fou. Sur combien? C'est 16ème sur combien? Ah, j'en ai aucune idée, mon pauvre ami. Et pour cause, ça nous intéresserait pas. Assez peu, l'Eurovision. Je suis toujours surpris par l'ampleur de l'Eurovision dans l'actualité. Ouais, je comprends pas. À chaque fois. Je vais pas haïr sur un événement. À chaque podcast, mais en même temps, c'est très typique de la France parce qu'on le perd à chaque fois, donc on y va en sachant qu'on va le perdre et qu'on ne peut pas quasiment le gagner. Parce que je me souviens que dans les analyses, c'est très compliqué qu'on gagne parce qu'il y a beaucoup d'alliances de pays, je crois, et tout. Et nous, on n'a pas d'alliés quoi. C'est genre non. Et en gros, de loin, sans analyse, vraiment dans une lecture facebookienne des news, sûr. Qui est toujours la meilleure d'ailleurs. Ça vérifie pas, donc ça va être raciste. Non mais qui te donne à penser que mon fils s'appelle Étienne, c'est le même. Elle a perdu et elle a lâché un wad. Elle a fait, voilà, quand la caméra était sur elle, elle a fait un donneur. C'est rock'n'roll. Voilà, est-ce qu'elle chante du rock'n'roll? Pas du tout. Mais non, t'as pas le droit. Désolé, les règles sont strictes. Désolé, Lazara. Non, ouais, elle a fait un petit doigt d'honneur. Alors, mignon, hein. Elle a fait un truc comme ça, et après, elle a relevé le doigt comme ça devant la caméra, et elle n'est pas restée mignon, jusqu'à la fin. Elle n'est pas restée jusqu'à la fin de la remise des prix, etc. C'est pas Coubertin. C'est pas Coubertin. Coubertin qui lâchait des gros wads en vrai. Ah ouais, c'est Coubertin, ouais. L'image finalement, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque de Coubertin. Et d'ailleurs, parlons-en. L'important c'est de participer dans les trucs qui m'énervent. Ça m'énerve. Ah ouais? Ah bah si tu participes et que tu perds vraiment. Ouais. T'as vraiment le line. Le seum, ouais, tu peux, c'est pas oui, mais tu vois le truc quand même. Oui, tout à fait, je comprends. Ça c'est le mot, on peut pas changer d'avis rapidement. En fait, c'est le mot important que je trouve un peu trop fort. C'est pas, l'important n'est pas de participer, non, parce que participer est assez simple. Oui, voilà. c'est pas le plus important. De te donner à fond. Voilà, à la limite, plus. Et même si tu perds, c'est pas grave. Mais appelle Pierre. Je vais appeler Pierre. Donc oui, la séquence a rapidement été reprise et diffusée dans la soirée. Et la nuit a fait réagir les internautes. Alors, moi, ce que j'aime bien, pourquoi je vous en parle, parce que je m'en fous aussi, mais quand elle s'est justifiée, ça m'a fait un peu rire. Elle a dit, non, c'est un petit geste de déception, un geste culturel. Il faut comprendre que, bien que je représente la France, je suis une culture et c'est un peu générationnel. Ah, c'est la française? Oui. Ah, Cocorico. Ce n'est pas un geste négatif. Et alors, c'est un geste de déception qu'on utilise entre amis. Non. Et, vraiment, et vu qu'elle est partie avant la fin, elle fait oui, alors ça c'est autre chose. J'avais une petite vessie et donc il a fallu que j'aille aux toilettes. Oui, oui, donc moi j'ai bien aimé les. Et la quenelle non, ça, ça je pensais qu'on me filmait pas. Quand vous avez dit les Suédois, je les encule. Non, mais je parlais d'autre chose. Je parlais des meubles. Petit pain suédois, elle parlait ça. Il y a une petite polémique à chaque Eurovision, j'ai l'impression. Mais il y a une petite polémique partout. Il y a une petite polémique tout le temps. Quoi, y a pas une. Hé, dis un truc. Le fromage. Abusé. Oh bon, là, non. C'est vrai que, abusé. Non, mais la dernière fois, c'était. Il suspectait un mec d'avoir fait une ligne de coke, non? Il y avait un truc. Ouais, c'est des Italiens qui prenaient de la coke. Voilà, ouais. Bon, bah, quoi. Ouais. J'ai rien. C'est vraiment le meilleur journaliste. Je me suis rappelé que l'Eurovision ne m'intéressait pas. Non, mais vous trouvez pas qu'il y a une polémique sur chaque chose? Moi, ce qui m'avait. Ce qui m'avait surpris, mais en même temps, je comprends que c'est l'évolution, et c'est là où je me suis dit. Ah merde, je suis vraiment vieux. C'est quand vous aviez sorti la vidéo avec Eric et Ramzy et qu'ils avaient détruit le studio. Il y avait eu pas mal de commentaires disant waouh, je suis choqué, je trouve pas ça drôle. Notamment sur le Lego, effectivement. Surtout le Lego. Globalement, ce que tu dis, ouais. Le Lego. C'est ça. Et moi, j'étais mordu. Je me dis ah putain, j'ai vraiment une culture. Bah ça y est, un peu ringard, parce que moi c'est le summum de l'humour, c'est tout détruire et y a pas de c'est jackass et machin. Après, ouais. Quelques commentaires, c'est pas une culture non plus quoi. Non mais ça. C'est revenu pas mal quand même, j'ai l'impression. Non mais en fait, il y a tellement de gens sur internet et qui ont tous la possibilité de donner leur avis. Oui. Forcément, il y a toujours des gens c'est qui vrai. Vont mal oui. prendre un truc et c'est qui sûr, vont donner hein, leur c'est avis. Vrai, c'est vrai. Ça veut pas dire que c'est une culture de. C'est vrai. Mais je comprends que quand tu es le réceptacleur de ces critiques, c'est dur de se dire bah non, c'est pas tout le monde. Mais je sais pas que c'est tout le monde. Non, mais tu lances un très très bon sujet qui est global et très important. C'est incroyablement symptomatique. Les Lego. C'est dur à faire. Il y a beaucoup de pièces. Pas dur, je trouve. Ah ouais. Enfin, je sais pas. Faire j'ai jamais compris moi le. Enfin, il a réussi à dévier sur, ouais, sur les Lego. C'est incroyable. On parlait des petits trucs. C'est un truc très profond, très. Pardon, vas-y. Non, mais les Lego pour le coup, si t'allais dire que tu comprends pas le kiff des Lego, là, moi qui te rejoins souvent et qui t'adore, je t'adore. Je peux pas te rejoindre. Non, mais c'est une question de goût, connard. Je dis pas que les gens qui font ça sont des cons. Je ne comprends pas. Bah, j'espère qu'il y a des Lego partout dans cet appart. Donc. Oui, bah c'est pour ça. Il a appris, il a côtoyé un con. Et coup, c'est après la hype autour de Harry Potter, je comprends pas non plus. Vraiment, on est entouré de. Ah, mais c'est le merch. Okay. C'est le merch qui te saoule ou c'est pas l'œuvre qui te saoule? C'est les fans de Harry Potter. Ah, c'est vraiment les fans gâchent. C'est ce que j'allais te dire, c'est les fans les en fans général. Les fans gâchent souvent les œuvres à mes yeux. Voilà. Oh, wow. Ah, waouh. Enfin, non, ils gâchent pas les œuvres, mais. C'est une forme de purisme, oui. Toute cette forme de purisme. Ah, bah, le purisme, attention. Il a levé l'index, hein. Et le purin. Ouais. Et la mauvais. La purée. La purée est délicieuse. Et le puritanisme. Ah non. C'est réaction express. C'est mon podcast. Mot, une réaction express. Ça, c'est... Attention, très bon jeu. Ah oui. Puis-je le lancer? Ah, bah, oui, Adrien, tu joues? Oui, oui. Les cornflakes. La chocolatine. Oui. Le débat sur la chocolatine. Oh là là. Dieudonné. Ça allait très vite. J'adore, j'ai combiné au téléphone. Ils sont très chauds. C'est moi. Par exemple, alors, tiens, on parlait des trucs énervants. Bah, alors, ça va être. C'est très, très, très de niche. Mais j'ai l'impression. Hein? Allez, je l'ai. Brice de niche, t'as dit? Non, Mélochet. Mais Brice de niche, c'est bien aussi. Bon, Brice de niche, Mélochet à ce moment-là. Ouais, ouais. Très, très bien. Non, c'est sûr, ça s'est un peu calmé, mais c'est sûr. En plus, c'est pas intéressant, donc faut que je le dise vite parce que c'est... Et après, tu sais quoi, libère-toi de ça et dis-le très lentement. Non. C'est parce que ça va prendre du temps à le dire. Après, vous allez dire, oh, tout ça pour ça. Oui, c'est parce que. Ceci dit, c'est déjà chiant. Là. Mais oui, mais c'est de votre faute. Les comptes de basket, ça s'est un peu calmé. Les comptes Insta de basket, ouais, les gens faisaient exprès de poster des actions où clairement il y a marché. Les mecs faisaient 5 pas et disaient. À votre avis, marché ou pas ? Oui, il y a marché ! Bien sûr ! Tu veux. Et le problème, c'est que le public de basket, c'est tous des abrutis. Selon la règle, il y a marché. Et il y a toujours des mecs pour dire non, pas du tout. Il a fait son dribble de machin. Horrible. Et tous les comptes de basket, c'était que ça à une époque. Donc, oui, c'est une technique très répandue de poster des trucs clairement juste pour faire réagir. Bah, c'est le fameux truc de il n'y a pas de mauvais buzz et tout que je supporte ça. Pas. Ah, oui, ça, oui les gens, il n'y a pas de mauvaise publicité. Ouais, c'est ça. Si, si, si. J'ai l'impression que si. À 100%. Les gens t'aiment moins après. Un très hein. bon exemple, Balenciaga. Balenciaga qui a fait la promo, le truc avec les. C'est ça, c'est Balenciaga. Avec les enfants. Ah oui. Nazi. Non. Non. Ah putain, ouais, mais. C'est putain, génial, on dirait un jeu. On dirait un autre jeu. Un jeu, mais il joue tout seul. Il essaie de deviner un truc qu'il a dit lui-même. SM, voilà. Des objets SM. Avec des enfants. Oui. Ah, il n'y a pas de mauvaise pub. Bah si, précisément. Aucune envie de. Le boycott est une chose qui existe. Dans la vie. Sir Carl Jenkins a assisté au couronnement du roi Charles III. La passion des gens pour le couronnement d'un roi, Adrien. Attends, c'est express. La passion que peuvent avoir les gens sur la famille royale et le couronnement d'un roi. Ah, là, c'est juste des onomatopées. Bah, mais c'était ça le jeu, non? Non, je pense que le jeu, c'est plutôt dire un avis très court. Je peux changer le jeu? Ok. Par exemple, la carrière de Tim Burton. Oui. Les chaussures à scratch. Très bien. Les décès des chiens. Oh non. Ouais. J'aime bien. Je trouve que c'est mieux d'avoir une petite formule. Okay. Je pense. Il a fait parler de lui sur Carl Jenkins en Angleterre. Une rumeur s'est mise à enfler quant à qui il est. Et à votre avis, pour qui a-t-il été pris? Alors, attends. Ah, donc en fait, il n'était pas censé être invité. Il est invité. Mais il n'était pas placé au bon endroit. Il est placé au très bon endroit. Ah. Mais à la télé, les gens l'ont vu. Ils ont fait, bah attendez, lui. Je me rends compte que j'ai pas eu le début de la question. Je pense pas. Que t'as posé deux fois, malheureusement. Mais tout va bien. Sir Carl Jenkins. On ne sait pas qui c'est. Okay. Il a assisté au couronnement du roi Charles III. D'accord. Okay. Et les gens l'ont vu à la télé, ils ont fait attendez, Carl Jenkins là, c'est pas Carl Jenkins. C'est quelqu'un d'autre. Apparemment, une Donc rumeur. C'est parce qu'il lui ressemble. Pas il du tout, il y a rien. Est-ce que c'est plus son passé qui pose problème aux gens, ce qu'il aurait fait dans le passé? Non. Michael Jackson. Non, Xavier Dupont de Ligonnès. Non. Jean-Dubé. Je vois plus. Pardon, mais moi, le truc de. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais ça m'avait tellement régalé. Oui. Ce truc où ils avaient. Ah, il a dit qu'il l'avait retrouvé. Guy Joao. Guy Joao. Et qui a vraiment rien à voir. Ah, c'est lui là. Aucun rapport. Aucune ressemblance. Le mec a été quand même le mec n'avait entendu même pas, par les flics. Le quoi. Mec n'avait même pas de lunettes. C'est ça. Et vraiment, je pense que les flics, il y a quand même des flics qui ont fait. Je crois qu'il était en Écosse, le mec. Il y a quand même des flics français qui ont fait le voyage, qui ont vu le gars, qui ont fait. Oui, bah non. Il suffisait. Ça, aucun rapport. Faites une photo. Des gens même avec de la chirurgie esthétique, impossible qu'il ait ce visage maintenant. Des gens très mauvais au qui est-ce. Voilà. Vraiment de nul. Mais est-ce qu'il a été pris pour une star, quelqu'un de mort? Est-ce qu'il a été pris pour quelqu'un de mort? Pas quelqu'un de mort, mais une vedette, oui, effectivement. Elton John. Non, pas un chanteur. Mais il ressemblait à cette star. Pas le pas y a rien il y a rien de okay, comment ils ont pu croire donc que par exemple un anglais en tout cas un anglais je peux te le dire c'est quelqu'un d'anglais est-ce et, ah non et eh ben non tu sais quoi pas du américain anglais, américain mais on cherche humoriste, quelqu'un humoriste comédien pas humoriste pas comédien acteur t'as dit quoi on cherche quelqu'un oui. Quelqu'un oui quelqu'un, là j'ai compris là pour, c'est impossible pour Carl là oui, il y a pas du tout là et pourtant il y a des trucs sur lesquels on l'a vu il a une rapidité folle qu'est-ce que Adrien explique-moi ce qu'on fait là en gros il y a une personne qui a été. Les gens se sont dit, oh, mais c'est machin. On dirait machin fait, déguisé, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout lui. On cherche pour qui les gens l'ont pris. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, du coup. Très, très connu. Mais ils l'ont. Alors, il lui ressemble pas du tout, mais ils ont cru que c'était lui. Ouais. Parce qu'il était un peu déguisé avec des lunettes, un chapeau. Il y avait quand même. Alors, en fait, il avait une grosse moustache, une coiffure rock'n'roll et des lunettes teintées. Ah, j'allais dire Sacha Baron Cohen, mais. Non, c'est non, un... non. Et donc, c'est pas un comédien, c'est pas un acteur. Non. C'est déjà, c'est un homme. C'est... Non, c'est une femme. Ah. Ce qui est encore plus fou. Ah, ils ont cru que c'était une femme déguisée en homme. Et d'accord, donc femme politique. T'as foutu de l'eau partout là, ouais, dans ouais, ta... ouais, sur ton t-shirt comme un bébé. Ils ont cru que une c'était femme une femme politique, non, mais un peu. Ah, attendez, je suis reperdu. Donc quelqu'un aussi. C'était un homme la personne ou oui. une femme la, non, un la homme. Personne était un homme, mais on l'a pris pour une femme. Sœur Carl, c'est Sœur Carl. Une influenceuse Non. Quelqu'un de un peu avec du sang royal. On s'approche. Pas du sang royal. Du sang de président machin. Non. Attendez, qu'est-ce qu'on fait là? Quelqu'un qui n'était pas invité. Bois un coup, va pisser un coup. On trouve ça puis on te dit après. Qui? Qui? Qui est qui là? On sait pas. On cherche quelqu'un. C'est peut-être la première fois dans le podcast on va pas donner la réponse. Si. C'est un homme? C'est une femme. On cherche une femme. Quand il est comme ça, il va répéter en boucle. Le mec a été pris pour. Les gens se sont dit oh mais c'est une femme. On cherche d'accord, qui. D'accord. Est-ce qu'ils se ressemblaient quand même les pas deux? Pas du tout rien. On va peut-être pas reposer même question. Non, c'est ça le problème. C'est vrai, t'avais pas vu dans le format post-it qu'on avait fait là, qui était chez nous, il y avait une question qui répétait 15 fois la même question. C'est la cuite au chef. Il n'y arrive pas. Et pourtant, c'est un des mecs les plus brillants que je connais, c'est ça qui est fou. C'est un homme. Oui. Bon. Donc, c'est un homme connu. L'homme c'est est connu. C'est pas une politicienne. C'est pas exprès là ou pas? Non, ça va. C'est pas fait exprès là, on cherche une femme. Une femme connue. Une femme très connue en France. Mais l'homme était qui? L'homme c'est qui? C'est un mec qui est pas connu. C'est un noble anglais. Ok, il ressemble à une femme. Non, pas du tout. C'est trop mal. C'est trop dur. C'est trop dur pour lui. Attends, en gros, imagine quelqu'un te voit toi au couronnement du roi. En fait, non. Quelqu'un et ce que je vais dire va te con. C'est encore pire pour toi, mais imaginez, je suis un enfant. Vous devez m'expliquer. Alors, imagine, il y a quelqu'un qui est dans le couronnement du roi. Il y a quelqu'un qui est assis derrière et on connaît cette personne. Son nom, c'est Sir Carl, on va l'appeler. Et il y a quelqu'un qui a fait. Mais attends, on dirait, je sais pas, Michel Obama déguisé. Ok, on dirait Ariana Grande. Non. Voilà, mais on cherche, on cherche cette personne. D'accord. Voilà. Quelqu'un de connu? Une femme. Oui, une femme. Une femme connue. Une femme il connue. A dit donc, pas politique, mais on s'approche. Oui, une star, parce que pensez, du coup. Charles III, une star. On est couronnement. Ah, oui, c'est politique. Donc c'est pas quelqu'un de sang royal. Mais pas de sang royal. Quasi, presque. Ah, une femme de roi là. Camilla. Non, bah Camilla elle était là. C'est Lady Di. Meghan. C'est Lady Di. Elle est Meghan. Pas morte. Alors. Meghan Merkel, bonne réponse. Oh, j'ai réussi. Je savais pas le nom. Ah mais j'ai réussi à trouver. Que genre Meghan était venue finalement déguisée. Elle était venue mais déguisée en Monsieur Moustachu. Et alors Carl Jenkins a une longue moustache, une coiffure au canard, des lunettes, une allure suffisamment détonnante pour alimenter les rumeurs les plus fortes. Pourquoi? Les Britanniques. Sachant que les deux dernières avis sont consacrés à ne plus jamais avoir de rapport avec la famille. Les Britanniques ont été nombreux à se demander si Meghan Merkel, persona non grata à la cérémonie, ne se cachait pas sous cette perruque. Et elle a tant enflé qu'elle a été que le monsieur a dû sortir du silence et dévoiler son secret jusque-là bien gardé sur sa moustache, comment il l'avait eu. Oh, wow. J'ai été plutôt surpris que certains pensent que j'étais Meghan Merkel déguisée. J'imagine, ouais. Tu m'étonnes, mon gars. Quelqu'un a même écrit que j'étais là incognito pour voler les bijoux de la couronne. Mais je ne ressemble absolument pas à Meghan enfants, Merkel. J'espère. C'est très bizarre d'arriver d'être invité à ça et d'arriver juste comme t'es et que ensuite tout internet décide que t'es quelqu'un d'autre. C'est fou. Mais moi, ma théorie, c'est que les Anglais ont un humour un peu marrant. Et que à chaque fois qu'il a, et c'est exactement par rapport à ce que tu disais à ChatGPT, le top commentaire sous sa vidéo, c'est dire, c'est exactement ce que dirait Meghan Merkel en se prenant pour un mec. Oui, c'est une vanne classique. Quant à moi, ma théorie, c'est que la Terre est plate. Et c'est, oui, après. C'est ça, moi, ma théorie. D'accord, mais là, c'est pas lié au truc. Hein Des quoi, c'est quoi? Bah, je sais pas, un repos de quelques mois et là un retour caché là. Il faut que les choses aient un rapport. Ah bah non, c'est assumé. Alors, oui, ah c'est la nouvelle DA. Pas forcément dans le floodcast, je t'avoue, mais peut-être un minimum quoi. Ouais. D'accord. Savez-vous ce qu'est le derma planning? Le derma planning. Oui, bien sûr. Ah oui. C'est planifier des rendez-vous chez le dermatologue. Ouais. Non, derma planning, c'est glisser sur la peau. C'est glisser sur la peau. Non. Comme de l'aquaplaning. Voilà, prendre soin de sa peau. Non. Enfin, d'une certaine manière, mais c'est aplatir la peau, c'est quelque chose de. On s'approche. C'est planifier des. C'est trouver. Les rides, repasser les rides. C'est ça, se rajeunir la peau d'une façon, trouver une organisation de. Avec un moyen révolutionnaire qui consiste à bien dormir, bien manger, faire du sport. Mais ça coûte des millions. Il faut vraiment avoir le budget. Très cher. C'est s'imprimer un planning sur la cuisse. Mais non. Mais non. Derma planning. Est-ce que le mot planning, c'est dans le sens aplanir? Exactement. Ah oui, c'est-à-dire que c'est vieillir constamment. Non. C'est ce qui m'arrive. C'est genre ce j'arrive à beaucoup de gens, hein, de vieillir constamment. Se mettre des poids sur la peau pour aplanir. Non. Il y a un rapport avec la peau? Oui. Est-ce que c'est suite à une perte de poids et t'as de la peau en excès? Ah non, c'est pas ça. Et il y a un rapport avec la terre plate? Et ça, oui, du coup, là. Ah bah oui, tu vois. Il y a un rapport. Non, là, il n'y a pas de rapport avec la terre plate. Mais c'est un problématique truc qui concerne des personnes plutôt âgées ou ça peut. Non, c'est une mode sur TikTok, je vais pas vous mentir. Ah, c'est se mettre de la colle sur la peau? Non, c'est l'horreur. Bah, il y a eu des trucs. Oui, non, mais bien sûr, mais je peux être horrifié. TikTok, les jeunes, là, avec leur quoi coupé, ils se mettaient sans des règles sur le visage à une époque. Dermaplaning. Et c'est sur TikTok. TikTok. Les surtout. Ouais, ouais. C'est une trend. Planning. C'est une trend qui consiste à faire quelque chose sur sa peau. Exactement. C'est c'est pas le c'est tirer la peau là avec non c'est pas ça. Non. Avec c'est une méthode de rasage. Une méthode de rasage ghoul, le méchant dans Batman. Rasage ghoul. Rasage de glace. Non. Oh là là. C'est chiant parce que on cherche maintenant et des jeux de mots et la trend. C'est une trend qui consiste à faire quelque chose sur sa peau. Ouais, c'est... à se raser d'une certaine manière. À se raser, ça concerne tout le monde. C'est de l'épilation de barbe. Oui, comment ? C'est épilation de barbe. Alors tu t'approches. C'est genre se faire au laser. Genre tu te fais enlever définitivement. Je vais vous donner la réponse parce que vous êtes pas loin du tout. C'est sur. Tu détestes. Parce qu'à chaque fois que tu dis je vais vous donner la réponse. Parce que vous êtes pas loin, à chaque fois j'ai envie de dire, bah si on n'est pas loin, trouvons. Ah bah alors vas-y. Mais oui, on y est. Donc c'est une technique pour se raser définitivement. Pas définitivement, mais. C'est une technique de mieux rasage. Se raser. Mieux se raser. Ah. Parce que des fois on se rase avec un petit rasoir et puis il y a encore des petits poils. Est-ce que ce serait une technique qui ne marche pas du tout et qui est encore une. Ah, est-ce que c'est genre tu prends une lame. Elle marche, mais les docteurs disent, bah mollo. Parce que... Est-ce que c'est genre tu grattes la peau et du coup tu enlèves la couche de supérieure de. Ah oui, c'est celle-là. Avec un scalpel. Oui, j'ai déjà vu ça tout on à fait. On voit des femmes face caméra en train de se raser avec un scalpel la peau du visage oui, entier. Oui, et ils récupèrent des. Ouais, on sait qu'il y a des trends parfois qui sont pas affreuses et terrifiantes. Enfin, ce qui ressemble à un scalpel, car parfois c'est un rasoir pour sourcils, comme l'indiquent certains emballages. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, le dermaplaning enlève le duvet fin de la peau, mais aussi la couche la plus externe de l'épiderme. Ouais, ça va améliorer le grain de votre peau, aider votre make-up à s'étaler. Vos soins de la peau vont mieux pénétrer votre peau. Un autre truc qui va sans doute bien pénétrer, les bactéries, je pense, dans la peau. Très, très vite. À mon avis, mais voilà. On voit souvent une sorte de poussière blanche et des poils blonds ou bruns sous le scalpel quand justement il racle la peau. Cris de douleur aussi. Je et du sang. Ouais, du tout du sang. T'exposes bien au soleil après, comme ça c'est directement là sur la couche supérieure de l'épiderme. Toutefois, le docteur Yoon donne des conseils sur TikTok. Il ne faut pas le faire plus de. Mets ta cagoule une fois que t'as. Pour la protéger. Pour protéger bon ton visage. Bon conseil du docteur Yoon. Non, il faut pas le faire plus de une ou deux fois par mois. Sinon, ce sera fatal. Oh là là, mais il est rapide. Non, mais c'est là. Le matin, c'est le mieux pour lui. Ah bah, il est extraordinaire. Les femmes qui font ça, c'est leur morning live routine ou pas voilà. Et j'espère que ce conseil n'est pas trop autoritaire, auquel cas sera un commandement. Oui, non, oui, quand même, oui, quand même. Oui, si, oui, on se demandait. Et, quand on cherchait un nom, on dit bah, faudrait qu'on trouve un truc pour des Zania, ce truc. Oh oui. J'essaye. Pourquoi Vincent de Zania. Oui, mais des Zania, ça veut dire quoi désigné. Désigné. Ah, oh, si. Tout de même. Tout de même, merde. La chronique. J'aurais utilisé le passé simple. Désigné. Ah oui, non, j'aurais pu la vendre bien mieux. Il l'aurait compris. Il l'aurait eu. Même si là, il est un petit peu en ralenti. Depuis la question d'avant, là. L'équivalent de t'as l'air fatigué. Insupportable. À l'adolescence. C'est faux, c'est pour ça que je l'ai. À l'adolescence, c'était quoi vous, vos complexes? Parce oui, que là, le sexe, être moche, merdique, l'eczéma, mon père, ma mère, mon frère, douter de tout, la forme de mon visage, les pions qui me harcelaient, les raquettes constants, le couteau, pas de couteau, mon père, ne me donne pas du cash et de l'iPod, les gens vont me raqueter, couillon, t'aurais pu anticiper, la merde, le vomi, les crises d'angoisse. Après, heureusement, je suis allé en classe L, oh là là, des femmes douces qui me mettent dans le droit chemin. Voilà. C'est bien. C'est bien. Très condensé, tu vois, comme quoi. Ça t'a reboosté. Je t'ai dit que t'étais lent là, tu t'as dit ah oui, bah regarde. T'es Eminem pour moi. T'es Eminem. Je suis le Eminem blanc. Oui, un petit peu. Adrien. Qu'est-ce qui me complexait quand j'étais. À l'adolescence. À l'adolescence. Peut-être que tu n'avais pas de complexe. C'était pas vraiment un complexe, mais bah si en fait d'être vraiment juste aucune interaction avec les femmes, que ce soit même un simple baiser, peut-être me complexait un peu. Éventuellement. Vraiment en retard sur la vie, mais c'est toujours un peu mon complexe à l'heure actuelle. Mais non, arrête. Mais quoi maintenant? En retard sur la vie, pas forcément la vie sexuelle. C'est très touchant de t'imaginer collège lycée là-dedans, là, dans cette émotion là. Ouais. Et aussi je faisais très jeune aussi. Et je peux pas dire que c'était un complexe. J'ai jamais eu trop de complexes dans ma vie. J'ai eu cette chance. Ouais. Je faisais jeune en fait. On me donnait vraiment beaucoup moins et je pense que ça n'aide pas. Tu vois. Ouais. Quoi, ouais. David ? Moi, c'était l'impression d'être dans une masse, d'être comme tout le monde. Mmh. Tu vois, tout le monde est pareil et j'avais l'impression d'être dans cette masse, d'être pris et je me disais mais où est-ce que je vais trouver un truc qui va faire en sorte que je suis plus dans cette masse, une forme de liberté. Alors pourtant j'étais pas à plaindre et tout ça, hein, j'étais pas pauvres mes parents, on vivait dans un quartier pavillonnaire et tout, mais je sais pas, justement, c'est ce truc des quartiers où tout le monde fait pas la même chose tout le temps, tout le monde parle de la même chose, tout le monde s'habille pareil. Et c'est pour ça que ça m'a sauvé quand j'ai découvert Karl, les potes et tout ça à cette époque, parce que je me dis, mais en fait, on peut faire un petit truc pour se sentir libre. Mais ça, c'est marrant, c'est vraiment la définition de l'adolescence, où en fait, tout le monde a envie d'être pareil. Enfin, c'est marrant parce que là, il y a vraiment la cristallisation de ça avec les trends, les trucs où tu regardes les TikTok, c'est genre oui bah vous faites tous la même blague, mais il y a les expressions où tout le monde veut il y a un besoin d'adhérer à une communauté qui est hyper forte, mais en même temps quand t'es ado tu veux à la fois être comme tout le monde et à la fois non mais moi je suis pas comme tout le monde, attention hein. Je pense que il y a des gens qui se contentent très très bien d'être juste dans la tendance. Et je pense que justement peut-être il y a des profils un peu genre peut-être un peu créatifs, je sais pas, déjà à l'adolescence se disent ah non mais enfin moi j'ai envie quand même de proposer un truc différent malgré tout, ça. Quoi. Parce que je sais pas si tu veux être comme j'étais tout le monde seul. Ou tu veux être accepté. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est vouloir être comme tout le monde ou juste être accepté des autres. Oui, mais ça passe par là. En fait, c'est le prix à payer. C'est-à-dire, on t'accepte, mais seulement si t'es habillé pareil, tout genre, machin. Et en fait, à un moment, tu dis genre, ah, tant pis, je vais rendre un peu et je vais être moi-même. Ouais. Mais c'est hyper dur parce que c'est rare de trouver. En fait, c'est un truc que je pense que tu peux pas faire vraiment tout seul. C'est compliqué à faire tout seul. Et du coup, il y a un moment où il faut essayer de trouver. C'est hyper dur. Mais c'est bien quand tu trouves des gens avec qui ça résonne aussi. Tu vois, c'est quand même, moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça pour moi très confortable de trouver un groupe quand même. Ouais. C'est marrant, moi, j'ai eu le même truc de elle aussi. Parce que pareil, j'étais que des meufs, on était 2-3 gars je crois, et pas potes du tout, on ne se parlait absolument pas les 3 gars en elle. Non justement, bah, c'était plutôt des profils très différents, et du coup je traînais qu'avec des meufs aussi, mais ça appuie le côté loose avec les meufs. Oui, c'est ça. Dis, c'est fou, je suis entouré de 25 femmes et aucune ne me voit comme potentiellement. C'est une très belle porte pour la friend zone. Ouais, non mais en tout cas tu n'es pas du tout. Ouais c'est ça, tu n'existes pas. Et toi Flo alors? Oh bah moi c'était, oui c'est moi c'est ton nez. Non, mais merci. C'est génial d'appuyer. J'ai fait exprès parce que c'est vraiment. Non, le nez jamais. Non, moi j'avais des grosses lunettes et en vrai, bon, c'est. Mais elles étaient posées sur quoi, c'est les grosses lunettes? Sur un meuble, mais sur ton visage. C'est pour ça que j'avais pas l'impression d'avoir un gros nez, parce que j'avais des très grosses lunettes. J'avais fait des lunettes de farce et attrape, là. Je t'imagine avec mon nez normal. Lunettes. Putain, il a un petit nez ce mec. Ouais, et j'avais les cheveux gras et des problèmes d'hygiène en vérité. En fait, je pense que pas le réflexe de mettre du déo. Par exemple, souvent je dis que je me suis lavé les cheveux au savon jusqu'à mes 17 ans, quoi, un truc comme ça. J'avais pas capté qu'il fallait mettre du shampoing. Non, moi je t'adore. L'hygiène était. Ma mère a tout fait et je l'aime trop. Mais c'est vrai que c'était très approximatif. Ah, moi c'était une cata. Donc, ouais, ça c'était pas ouf. Et puis de pas. Tu sais, ça je l'ai toujours pour le coup, mais de se refaire le film quand tu rentres chez toi. Genre, moi j'étais à l'école. Et je disais des choses et je faisais des blagues et machin, et à chaque fois que je rentrais chez moi je me disais mais pauvre merde, ça c'est ridiculisé. Moi après le tournoi de basket seul chez moi dans mon lit, bah, t'aurais dû pas faire ça. Est-ce qu'on peut développer encore ce point qui me touche et que j'adore? Je t'en prie. En fait j'ai réalisé très très récemment que là je l'ai dit en vanne, enfin pas vraiment, mais vraiment l'humiliation. Je sais pas, tu vois, collège, il y a la période du lycée qui est vraiment une grande lumière pour moi, avec David, la musique, les jeux vidéo pour ce que ça vaut, mais vraiment les meufs, etc., très important. Je répète, la douceur et tout, la compassion, etc. Collège et tout. Tu sais, ces derniers temps, on a tellement travaillé sur nous, David et moi, sur le truc personnel, vraiment, c'était vraiment chaud. Là, ça va vraiment bien. Et moi, j'ai eu une révélation. Et le running gag avec mon père, est-ce qu'il est et tout, il y a eu effectivement de la déception, un rapport assez spécial. Ceci étant dit, il a jamais été offensif, agressif, c'était des maladresses à une certaine ampleur. Le vrai truc qui, moi, je ressens quand j'ai vraiment la haine, parce que je l'ai toujours, je la gère un peu mieux, je pense, mais qui a généré ça en moi de 20 à 30, c'est vraiment ça. Je dois le dire et ça me fait du bien vraiment de l'assumer. Les raquettes, la baston, je me battais pas, mais je me faisais taper, on se faisait raqueter, les balayettes, les machins, l'humiliation constante, que ce soit les pions à une époque au collège, c'était incroyable quand j'y pense. Les pions, ils vous mettaient des balayettes? Alors non. C'est... Non, c'était pas les pions, mais eux, c'était, bah, toi, tu sais, bien sûr. Les vannes sur mon visage, tu sais, bon, je pense beaucoup de gens. Collège notamment complexe sur leur tronche, c'est possible. J'en faisais partie, j'avais les joues rouges. Les gens m'ont pas lâché avec les joues rouges. Jusqu'à un jour où j'ai fait 1m91 et que j'ai changé de voie et qu'on a arrêté de me faire chier. Ce qui est inhérent à une certaine lâcheté qui m'énerve énormément chez les gens. Bref, le physique, je détestais mon corps. Mais mon corps était peut-être affreux. Si jamais il y a une objectivité du corps, c'était le cas. Je détestais mon corps. Bref, non, les pions, c'était un truc verbal. Et toi avec la tête de cheval, et toi avec la tête de Simpson. Et au début, mec, quand j'y repense, non mais les gars, c'est fou. Les raquettes, je vais pas lâcher les blazes et tout. David, il connaît tout, c'est drôle. Et en plus, je l'ai revu hier, le mec au Valais, à Bois-Colombes. Et je le revois et je suis là. Je peux même pas le haïr quand je le croise. Ouais. C'est un des gars qui m'a le plus trauma. Ah ouais, c'est et ouf. Lui, c'était balayette couloir, tu sais, quand t'attendais. Bam, donc pas un pion, t'as pas vu un mec. Un élève de ma classe. Ah putain. Des mecs plus âgés, etc. Et après, dans la rue, à l'époque, maintenant, ça a changé parce que je parle beaucoup. Désolé, aux ados de Bois-Colombes, on connaît tout Bois-Colombes, c'est un bonheur et tout. Et les jeunes, je leur parle, je dis comment c'est Camus aujourd'hui. Ils ont toujours beaucoup de problématiques. Peut-être un peu moins. Il y en a encore des raquettes, mais c'est pas pareil. Les temps ont changé. C'est un peu différent aujourd'hui. On harcèle en ligne maintenant. Exactement. Ouais, le harcèlement, il est plus comme ça, mais il est toujours. Attention, il y en a toujours dans la. Je minimise pas, mais nous, c'était légion, quoi. Ouais. C'était, allez, chaque semaine. Enfin, je sais pas pour vous, les gars. Ah, pareil, moi, je me faisais tabasser. Moi, j'ai eu la chance que non. Ah, ouais. Ok, tant mieux. Mais là, avec le recul, ça me paraît d'une évidence claire. Genre, je suis là, mais c'était horrible. Ouais. Et en fait, on a tellement contrebalancé derrière avec les vannes, que les vannes, les happenings, la musique, le machin. Et après, toute la vie, on a passé à autre chose. Et là, pour la première fois depuis des années, on a eu un vrai break. Qui est pas un break de viens, on part dans le sud en vacances, qui est juste, on arrête tout. Et j'ai eu le temps de regarder ça. Et je suis. C'est la première fois là qu'on en. Après, vous êtes mes potes de ouf, mais c'est mettre les mots dessus aussi simplement que ça. Ouais. Sans, oui, parce qu'en fait, il y avait un peu une. Genre une. Vous refusiez d'y repenser, en fait. Tu sais ce que tu veux dire? Ouais. Quand tu t'occupes. Par tu t'occupes par tous les moyens. Sans, ça, ouais, en de parler avec des vannes ou de. Ouais, mais. En tout cas, sur introspection, je veux pas que ça fasse vraiment le mec qui parle que de lui. Mais non, introspection comme ça, avec ce moment où juste. On s'est juste arrêté. Je vois pas autre chose. Ouais. Je vois même pas, et je pense même pas que ce soit mon daron. C'était un autre registre. Ouais. Qui est profond aussi. Mais là, ça, c'est. Quand je parle de vengeance, de revanche, au quotidien se taper, c'est à ça que je pense, précisément. Ouais. Moi, ça me l'a fait aussi récemment de repenser à ce moment-là. En fait, c'était même le côté que c'était tout le temps, en fait. Tu vois, c'est pas un événement clé, moi, qui m'a marqué de quand je me faisais emmerder. Je pourrais pas te citer un moment où je me dis, putain, là, les mecs, ils m'ont vraiment fait du mal quand j'étais au collège. Mais c'est vrai que c'était assez tout le temps, et c'était ça qui est pire, en fait. C'est dur, une espèce de quotidien où c'était accepté, quoi. C'était, ouais, c'était régulier. Mais pardon, je tiens à dire que je pense pas que je leur en veux, hein. Avec le recul, je pense que, en l'occurrence, même à part quelques exactions, c'est bien. Ouais. Que ce soit arrivé, parce que ça a donné pour moi. C'est bien. Non, disons que tu l'as tourné en positif. Non, mais oui, mais c'est pas parce que t'as réussi à en tirer un truc positif que c'est bien. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais non, mais nous à cette époque-là, c'était terrible. Hein. C'était les couteaux à la sortie de l'école, les mecs qui sortaient, il y avait des gars qui débarquaient avec des couteaux. Ouais. C'est horrible. Moi, après le Harry Potter 2 avec Martin et avec cette anecdote, voilà, c'est une des plus qui m'a marqué. Ouais. Genre, je commençais un peu à être grand. On sort de donc Harry Potter 2, on c'est quand même il y a quelques temps maintenant, et on croise un mec. Vous avez quel âge, Jean? Du coup, je dois avoir. Putain, je sais pas. Alors, c'était peut-être Harry Potter 1. En tout cas, moi, tout ce que je dis, c'est du 13-14. Ouais, c'est 12, ça. Ouais. Pardon, c'était peut-être pas très intéressant. Non, mais peut-être que ça correspond pas, mais c'est un des Harry Potter. Okay. Donc, peut-être que j'avais un peu plus, parce que dans l'anecdote, en gros, j'ai pris la conf, je devais peut-être avoir 16. Tu vois, et en fait, on croise un mec, je suis au téléphone, donc j'ai mon tel, un téléphone un peu pourri de l'époque. Et en fait, le mec, on le croise, et genre 10 mètres après, il se retourne, il fait c'est quoi ton téléphone et tout, et je lui dis rien, c'est mon téléphone, il est à moi, ça te regarde pas, tu vois. Ce qui est déjà un effort. Et pour fou, moi à l'époque, j'étais là genre en fait maintenant c'est bon, quoi, je suis badass de ouf, c'est bon, je fais ce que je veux là dans... Ouais. Et le mec il revient avec un couteau, il me l'a mis sous la gorge, il m'a dit je lui dis donc donnez immédiatement mon téléphone. Je retire ce que j'ai dit. Et voilà, il me dit c'est juste pour... et il me l'a rendu, il m'a dit c'est juste pour t'apprendre à bien parler. Putain. Une belle leçon. C'est vraiment. C'est oui, mais alors peut-être avec le couteau sur la gorge. Tellement de niveaux, c'est terrible. Ouais, et d'ailleurs, oui, est-ce que quelqu'un du coup pourrait t'apprendre à ne pas menacer de mort des gens pour des raisons assez. Mais, les gars, il y a un truc quand même. Il y a un âge où ça change. Alors c'est peut-être progressif, mais il y a un âge. Je sais pas si vous voyez. Moi, il y a un moment où je me suis dit tiens, ça n'arrive plus. Ça n'arrivera peut-être plus jamais. Ouais. Et tu croises, comment dire, tu croises des gars et tu dis ça peut arriver, et tu dis ça se passe plus. Moi, il y a eu ce changement là. Parce que moi, je me suis jamais fait harceler et tout. Je me suis déjà fait racketter 2-3 fois, mais dans le métro, tu vois, comme ça. Classique, j'ai envie de dire. Il y a eu un moment où je me suis dit. Tiens, j'ai l'impression, mais c'est peut-être une vue de l'esprit, tu vois. Je marche dans la rue. En tout cas, j'ai plus peur que ça arrive. Ouais, c'est exactement. Et je pense que si quelqu'un sait, peut-être que j'aurais peut-être plus peur. Mais oui, il y a un truc où je marchais plus sur un an. Mais tu mets le doigt sur un truc très vrai. Parce que 14-15 ans, je me souviens, j'ai eu un an où je ne voulais pas sortir de chez moi. Et sortir de chez moi était une angoisse, mais, mais une angoisse réelle à en faire des cauchemars et aller au lycée était vraiment un enjeu, une mission, tu vois. Et je regardais dans les coins, les rues, j'avançais, je reculais, je partais en courant dès que je voyais quelqu'un. Enfin, c'est terrible. Et effectivement, ce truc-là passe, mais ça doit aller effectivement avec la peur. Tu sais qu'à un moment, ton attitude fait que, à une époque, quand j'allais au conservatoire, des mecs nous jetaient des cailloux avec Martin quand on passait juste devant eux. On était là, mais pourquoi on a pris des cailloux? On marche dans la rue, on n'a rien fait, même pas d'interaction, tu vois. Tu te dis, mais. Et en fait, à un moment, effectivement, ton attitude change. Mais il y avait des gars, il y avait vraiment un profil de gars au lycée. Moi, j'ai vraiment exactement un gars qui était comme ça. Ou tu sais, c'est le genre, il t'aime bien, mais tu sais qu'il peut basculer. Il va te harceler. Il y avait des gars, tu sais, tu sortais. C'est l'humour. C'est parce que c'était leur humour, tu sais, c'est genre. Mais leur humour était basé sur l'humiliation de l'autre et la violence. Ce profil, c'est très juste ce que tu dis. Et par contre, vicieux, c'est particulièrement angoissant. Même si nous, on va surfer sur la vague de ah bah, on est, ça va. Il m'a dit bonjour, ça va. Bon, on se rassure au quotidien. Mais au fond, c'est là, ce sentiment-là. J'ai un exemple précis, j'ai un gars comme ça, j'ai fait presque un ou deux ans avec lui, c'était genre mon meilleur pote. Mais quand il venait chez moi, à chaque fois, il volait un truc. Il m'attrapait il me disait, je prends ça, c'est à ton père, mais tu le prends et tout. Et à chaque fois, il me rabaissait en public devant les autres, il me défonçait. Et quand on était en privé, il était cool. Sauf chez toi, où il était moins cool. Ouais, non, chez moi, mais tu sais, il faisait genre, on est potes, et du coup, c'est normal que je te prenne des trucs, mais tu sais très bien que je te les rendrai jamais. C'est horrible cette sensation. Et c'est d'une toxicité folle. Ah, mais il y a un gars comme ça aussi. Moi, j'avais mon voisin, il venait chez moi, il venait jouer à GTA et tout. Bon, avec le recul, je pense que c'est parce que j'avais la PS2 et pas lui, mais bon, moi, je crois que c'était mon pote. Ah oui, mais j'ai été de l'autre côté de ce truc là aussi. Non, mais il venait chez moi, il était gentil et tout. Et même, je me souviens, parce qu'on prenait le bus pour y aller, et dans le bus, t'imagines l'humiliation, il me disait. Tu dis pas aux gens que je viens chez toi. Et il me tabassait au collège. Et ah oui, donc c'est Adrien Méniel. C'était Adrien qui faisait ça. Moi, j'avais redoublé 10 fois. Non, mais voilà. T'imagines. Non, mais on sait. Mais le niveau d'humiliation est fou, quoi. Devoir te dire dans le bus, tu dis pas aux gens que je viens chez toi, quoi. Faut pas que les gens sachent qu'on est potes, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, qui seraient dans ce. Parce que moi, ce statut-là de victime du collège, il est important. Ça passe. Il y a d'autres astuces, hein, je pense. Ouais. Mais sachez que ça passe au bout d'un moment. Ça passe après. Mais ça reste toute ta vie dans ton cerveau. C'est ça. Ah oui, c'est là. On apprend à. On apprend à vivre avec. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et à faire à construire des choses autour pour se protéger de ce traumatisme. Mais c'est terrible, quoi. Je vais essayer d'enchaîner comme je peux parce que c'est un sujet. Qui a pété dans ses mains pour faire sentir à son pote. Moi, Gerald Johnson est un prêtre qui avait parlé. Gerald Johnson. Prends tout au premier degré, ce gars-là, non ? C'est sûr et certain. Et d'un prêtre qui a fait parler de lui sur TikTok, car en 2016, il a brièvement perdu la vie après un arrêt cardiaque. Selon vous, qu'a-t-il vu ? Ah, il a vu Rihanna en enfer. Oh, très bonne réponse de David. Il est en enfer, il l'a entendu. Il a dit, mon esprit a quitté mon corps physique. Mon esprit glisse ailleurs, il a dit, je crois. Je pensais que j'allais vers le haut parce que j'estimais avoir fait tant de bien dans cette vie et aider tant de gens. C'est un prêtre, hein. Mais au lieu de monter, je suis descendu. Je suis allé littéralement. Il y a quelques cas de prêtres qui n'ont pas fait que des choses. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça que je dis ça parce que c'est pour ça qu'il pensait monter au ciel. C'est pas juste quelqu'un de très prétentieux. C'est un prêtre très prétentieux. Mais au lieu de monter, je suis descendu. Prétentieux, évidemment. Je suis allé littéralement au centre de la terre. Aux cieux, prêtre aux cieux. Prêtre aux cieux, oui. C'est là que se trouve l'enfer. Je suis désolé, Florent, mais bravo. Là-bas, il a ressenti une douleur telle qu'il ne le souhaiterait pas à son pire ennemi. Parmi ses visions horrifiques, l'homme se souvient d'avoir croisé un individu en train de marcher à quatre pattes comme un chien et brûlé de la tête aux pieds. Ses yeux étaient exorbités et il portait des chaînes au cou. C'est un démon qui tenait la chaîne. Plus étonnant encore, Gerald Johnson raconte avoir vu une chorale de démons. Interprété Umbrella de Rihanna, ainsi que la chanson Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Bon, alors ça, je comprends. Celle-là pour le coup. Ah, tu la détestes ? En boucle. En boucle dans ta tête et c'est des démons. Oh la vache. Ah la vache. J'avais un poisson silence. En plastique qui chantait ça. Mais on en a parlé, ça voilà. Quoi, mais qui se met à chanter quand tu passes devant. Voilà. Évidemment. Terrible. Haine. Bien sûr. Ah oui, c'est l'enfer. C'est quasi l'enfer. Mais un Powo, peut-être Powo aussi. Oui, aussi peut-être. Non, mais le Rihanna, oui, je sais pas pourquoi cette news m'a marqué. J'y pense depuis un mois. Alors il a répondu parce que des gens ont dit bah attendez, Rihanna c'est pas si mal et tout. Il fait alors non, je précise, les 10 démons ne chantaient pas les versions originales. Ah. mais des covers, la version du Festival Robles. Qui n'a rien à voir. Mais des covers et la guitare sèche sur YouTube là, avec des meufs blanches. Non, pas du tout. Des interprétations atroces pour torturer le public. Chaque mot de chaque chanson a été fait pour vous torturer. Parce que vous n'avez pas adoré Dieu à travers la musique pendant que vous étiez sur Terre. Il a fait un simple rêve, à mes yeux. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est juste un mec qui aime pas Rihanna. Ouais. C'est juste ça. En l'occurrence, c'est dommage, ça décrédibilise le discours des EMI, expériences de mort imminente, qui peuvent être très intéressants sans qu'on aille ensuite dans un discours complotiste ou extrémiste. Mais quelqu'un qui a été dans le coma longtemps et qui peut en retirer une expérience, on parle pas non plus de la lumière blanche, un peu cliché, bien sûr, mais simplement vraiment d'un vrai ressenti, pas forcément concret d'ailleurs. Oui, c'est, oui, c'est comment, ça comment, reste comment, comment vous appelez-vous? Luc Alphan, Alphan. Mais ça n'a rien à voir avec Luc Alphan. Mais on me confond beaucoup avec... Ça me rend fou. Avec Meghan Merkel. Savez-vous qui est Trevor Jacob et de quoi a-t-il été reconnu coupable récemment? Trevor Jacob. C'est pas le héros de, grand... de GTA? Non. Ah oui. Donc c'est, un... Donc c'est un Américain? C'est un Américain des States. Il, a fait, il a fait un truc pas bien du tout. Est-ce alors, oui, est-ce qu'il pas est... bien du tout. Est-ce qu'il est. Pas est-ce un crime. Est... Enfin, si, d'ailleurs, il a fait un crime, mais il a porté atteinte à aucun humain. Il a pas tué, blessé, agressé. Voilà. Est-ce qu'il était connu par avant ouais, ce. Très truc connu. Ok. Même ce truc, en fait, fait partie de son métier. Est-ce que il... c'est rapport à la voix? Il est la voix de quelqu'un non. Et il a appelé en disant « Salut, c'est Bob l'éponge. Donnez-moi tout votre argent. » Ah, il y a Bob l'éponge qui m'a appelé. Ça... Bah, prenez tout l'argent. Franchement, c'est clair. Meilleur était... argument pour était-il dire... un rappeur ou un basketteur? Non. Il très était connu bon. Du public. Il est très connu. Sous un autre nom? Non, dans un nom influenceur, de Trevor Jacob. Un influenceur? On s'approche. Youtubeur. Un youtubeur. Un youtubeur. Ah oui, je sais. Pardon, je l'ai, pardon. J'essaie ah ouais. de bah alors, je vais pas la dire. Je vous okay. la dis pas. Il est Trevor Jacob. Mais ça me dit quelque chose en plus. Alors il n'est pas que youtubeur, pour être tout à fait honnête. Il a un autre métier. Qui mais n'est là, pas un métier que vous avez dit. Mais là, l'anecdote est basée sur le fait qu'il soit youtubeur et qu'il ait fait quelque chose en vidéo. Exactement. Est-ce que. Alors, il est-ce a que 140 c'est... 000 abonnés. Voilà. Et c'est. Dans une vidéo qu'il a. Il a fait ce truc ouais. répréhensible. Exactement. Est-ce que ça a un rapport avec la religion? Ça n'a pas un rapport avec la religion. Est-ce que ça, c'est un hacker? C'est pas un hacker. Est-ce que il est... Ah, c'est pas lui, lockpicking lawyer, là le, l'avocat qui crochette des serrures, non? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je vais pas me retenir trop longtemps de rire. C'est un bel exercice. Non, c'est... pensez YouTube en ce moment, enfin d'ailleurs depuis quelques temps, c'est... voilà, c'est des défis. Des pranks. Des défis, plutôt. Des défis, il a fait des, un défi. Il s'est lancé un défi à lui-même? Ouais, il fait plutôt... C'est, je peux vous dire son deuxième métier? Oui, allez, là. Vas-y. C'est un sportif. Ok. Ah, voilà. Sur, exemple, il a pris des risques. Il a pris un énorme risque. Il a grimpé à une façade. Non. Mais il était sur. Ça a un rapport avec un immeuble, un building? Non. Ça a un rapport. Non. Est-ce qu'il a mis en danger d'autres gens? Est-ce qu'il a mis en danger d'autres gens? Lui, bah, il aurait pu. Il aurait pu. Vu la folie du truc, il aurait pu. C'est complètement imbécile. Il a sauté de quelque chose? Oui. Ah, il a plongé dans un truc? Non. Il a sauté d'un endroit à un autre. En fait, il a fait quel parcours ? Il a fait quelque chose qui fait que le nom de sa vidéo YouTube est très t'as envie de cliquer quoi, ouais, disons. Ouais. Mais en fait, là, il a été jugé parce qu'il l'a provoqué lui-même. Il a fait croire que c'était un accident, quelque chose pour faire un truc waouh dans sa vidéo. Et il l'a fait lui-même. Il a fait. Est-ce qu'il a provoqué quelqu'un pour qu'il le pousse ? Non. Mais il a provoqué quelque chose. Il a provoqué quelque chose. Je vais pisser comme ça. Je ah ouais, voilà, il a provoqué quelque chose. Ouais. Un éboulement. C'est là-bas. Une avalanche, ouais. C'est là-bas. Une avalanche, voilà. un éboulement. Pas une avalanche, pas un éboulement. Un truc naturel. Pas naturel. Est-ce que c'était dans un cadre urbain? Non. Est-ce que ça a un cadre avec... urbain, l'acteur? Non. Est-ce que ça a un rapport avec de l'eau? Non, pas de l'eau. Et la nourriture. L'alcool, par contre, ça a un rapport avec de l'eau, parce que son nez. L'alcool, c'est de l'eau. Ouais. Non, cadre urbain, t'as dit oui ou non? J'ai dit non. Ah. Nature. Donc dans la nature. Nature. Campagne. Ouais, la montagne. C'est... Oui, dans les montagnes, mais c'est pas ça qui va vous aider ça, vraiment. Il n'y a pas un rapport avec les animaux. Pas d'animaux. Il a un arbre. Il a coupé un arbre. Non. Voiture. Non mais on s'approche. Voiture. Il y a véhicule. Un véhicule. Vélo. Vétaplane. Non. On s'approche. Un truc à un ULM. Un parachute avion. Alors un avion. Un avion. Il a simulé un crash d'avion. Exactement. Ah mais oui, très ça y est, je me rappelle. Bonne réponse. Ah, oui. Wow. Il a crashé. Mais je me rappelle, oui. Et il y a les caméras. Et il dit, oh là là, non merde, putain, j'ai plus le contrôle. Il a sauté en parachute. C'est ça. Et il a dit, oh, j'ai récupéré les rushs. Et en fait, c'était prévu. Il a. Et ah, je me rappelle de ce c'est truc. C'est ça. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver pour un truc que je savais. Mais... ah, oui, mais dans sa c'était vidéo publiée très très vieux. Dans sa vidéo publiée en novembre 2021 intitulée, j'ai fait s'écraser mon avion. Mon avion s'est écrasé, pardon. Trevor Jacob se filme en plein vol au-dessus de la Californie. Au cours de cette séquence, ce jeune homme semble rencontrer un problème technique pendant le vol et finit par s'éjecter de l'avion avec une perche à selfie à la main. Il atterrit ensuite en parachute déjà, en pleine ça, nature. Tu sais que c'est... Le succès est incontestable, sa vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Mais quelques semaines plus tard. Pardon ? Pas beaucoup pour non, un truc aussi. Si, non, pour... mais Squeezie qui lit un thread oui, Reddit, Squeezie, ça fait plus. Squeezie oui, mais pas des avions. Non, non, mais pardon. 3 millions de vues pour un aussi spectaculaire et dangereux. Ça reste nul. Beaucoup, mais non, je pense qu'il a été déçu. Est-ce que bien sûr, moi, il a été déçu par son score. Moi, je suis très déçu. Sachant que la vidéo, le moment où il saute, est particulièrement bizarre parce qu'on sent qu'il a peur quand même. S'il est quand même dans l'avion, il est là, il dit bon, là, je. Il prend un risque quand même, prend un énorme risque et je crois en plus il atterrit dans des broussailles un truc enfin c'est pas cool, ça se passe pas bien, tu sens que ça se passe pas bien. Rassurez-moi, il avait très bien prévu, il savait où ça allait se crasher parce que l'avion a non, justement en fait non, c'est très quelques jours plus tard savoir. Une enquête fédérale est lancée pour tirer au clair les circonstances du crash et Trevor Lacob reçoit l'ordre de conserver la carcasse de son avion, ce qu'il ne fait pas puisque le youtubeur déclare ne pas savoir où l'appareil s'est écrasé. Or selon ses documents judiciaires, lui et son ami ont bien sorti l'épave de la forêt à l'aide d'un hélicoptère 2 semaines après les faits. Trevor Lacob a finalement admis avoir voulu gêner la progression de l'enquête en se débarrassant de l'épave, mais aussi et surtout d'avoir réalisé pour la vidéo pour gagner de l'argent dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise, parce que c'est une vidéo sponsorisée. Eh oui. Le jeune homme a également admis avoir menti en communiquant aux enquêteurs un rapport indiquant que l'avion avait rencontré un problème technique. Selon un communiqué du ministère de la Justice, le youtubeur a plaidé coupable de destruction et dissimulation de preuves dans le but de faire obstruction à une enquête fédérale, un crime passible aux États-Unis d'une peine de 20 ans de prison. Et je pense que là, on est sur le genre de personne qui dit il n'y a pas de mauvaise publicité. Je pense que c'est un adepte clairement, de ça. Clairement. Oh là là, bah, cela dit, malheureusement, sur ce point, il n'a pas hyper tort. Parce que personne, il marche maintenant. Bah personne n'aurait reconnu son blaze à ce mec-là. Oui, il va faire 20 ans de prison, c'est donc potentiellement. Il faut ce qu'il faut. Ah, 20 ans de prison ferme. Potentiellement, ouais. Wow. Pas une maximale. Il les fera jamais. Il les pas fera une maximale. Alors, évidemment, mais ça me donne une petite transition, même si là on parle de quelqu'un de très extrême. Donc c'est parce que vous avez fait une pause. Oui. Voilà, David Herra, parce que vous avez fait, vous étiez un peu fatigué, disons. Vous avez utilisé le terme burn-out, donc on peut, ah oui, on peut réutiliser. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était le fait de faire trop de vidéos ? Est-ce que vous êtes allé dans une espèce de truc de course à la vidéo la plus folle et du coup c'est un espèce de truc fatigant ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? Il y a deux aspects. Il y a un aspect plus personnel, je laisserai bien sûr Raph en parler. Bien sûr. Et il y a un aspect, effectivement, en fait, les deux sont liés. Parce que dans c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais pour les gens qui écoutent, dans ce métier-là, il y a une implication personnelle qui est immense. Il y a très peu, finalement, la limite entre ce que tu donnes et la partie publique est très fine. Parce que on est, en vrai, alors nous, non, mais toute cette génération, les premiers à vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire d'être les premiers à faire avancer un nouveau média qui se développe de plus en plus, dans lequel il n'y a pas 20 ans d'expérience. Tu vois, on ne sait pas comment ça doit se structurer, on ne sait pas. Il n'y a pas de recul. Voilà, il n'y a pas de recul, il n'y a rien. On ne sait pas. Du coup, tout est. Et puis, le fait d'être en direct avec les commentaires des gens cache tout de suite est à la fois génial pour la liberté de parole des gens, etc., mais à la fois très dur à encaisser. On en parlait tout à l'heure avec Adrien. Comment faire la part des choses et tout. Donc, ça, tout ça, ce travail qui est nouveau, excitant, que tu as envie de pousser plus loin parce que plus c'est nouveau, plus tu as envie d'aller loin, plus il y a des moyens maintenant qui sont mis en place. Donc il y a tout un, comment dire, un manège qui est mis en place pour aller plus loin. Et à un moment, tu te dis, mais là-dedans, moi, je me suis oublié complètement. Et voilà, donc ça, c'est la partie, c'est très très fin la limite entre le public et le perso. Et ensuite, tu rajoutes à ça qu'effectivement, il y a eu une course aux vidéos produites et tout, que quand on a commencé à faire ça il y a 2 ans, 3 ans, c'était assez rare, donc c'était très excitant à faire. Voilà. Et puis au bout d'un moment, comme c'est devenu la norme, et c'est très bien que ça le soit devenu parce que c'est logique et que c'est excitant pour tout le monde, au bout d'un moment, trop de courses, tu sais plus pourquoi t'y vas en fait. Et c'est même moins intéressant, tu vois. Le premier mec qu'on a reçu à l'époque, quand on a commencé à faire des guests, c'était Patrick Bruel, hein, c'était à l'époque avant les histoires. Mais on l'avait reçu pour faire On appelle des gens au hasard. C'était waouh pour les gens. Pour Internet, tout le monde disait, mais c'est un truc de ouf. Mais même pour nous, l'excitation était folle d'avoir quelqu'un qui ne vient pas d'Internet et qui vient sur Internet. Aujourd'hui, c'est la norme. Et du coup, c'est beaucoup moins excitant, quoi. Donc ça fait que ça crée une énorme fatigue et ça te fait te remettre en question. Cela dit, c'est peut-être très chiant ce que je dis. Non, pas du tout, mais ça n'a rien à voir. C'est l'âge. Mais en gros, à un moment, on s'est dit, là, on est en train de faire pour faire, et c'est trop fatigant par rapport à ce que ça peut apporter de bon personnellement. Et faut peut-être se faire une pause et se reposer les vraies questions. Qu'est-ce qui est bon à faire pour nous? Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'adolescence, où quand tout le monde fait pareil, qu'est-ce que je vais faire pour me distinguer? Il y a une remise en question qui absolument qui s'accompagne. Exactement. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un truc où vous vous dites, bah en fait peut-être que notre intérêt, il faut qu'on le trouve ailleurs. Exactement. Donc, c'est ce travail que vous avez fait en ce moment, que vous faites en ce moment. Comment ? C'est ce travail-là que vous faites en ce moment de comment. Justement, comment apporter peut-être des trucs qui vont peut-être plus calmes pour vous et en même temps rester vous-même et en même temps rester un truc excitant, parce que j'imagine quand même. Est-ce qu'il y a une petite pression quand même sur le retour ? Waouh, c'est trop bonne question. Non, le travail de changer la direction artistique et tout, c'est pas particulièrement dur. Mmh. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, pour moi, il y a vraiment trois points. Mmh. je peux me permettre. Ouais, de, vas-y, t'en prie. Parce qu'on a le temps de réfléchir. Je te demande. Le premier, c'est ce qu'a dit David. Pour moi, c'est plus la plateforme qui change. C'est vrai qu'à un moment, c'était un boulevard, même le rendez-vous du dimanche. On va parler de nous, hein. Je parle pas pour les autres créateurs, mais c'était inédit. Mmh. Et si vous vous rappelez bien, c'était vraiment à l'époque, c'était vendredi 18h, 17h les diffs. Ouais. Et ou mardi 17h et tout. Et là, on était là, on va diffuser le dimanche. Mais c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé. C'était un boulevard, personne faisait ça. Mmh. Et c'était la même chose sur les guests. Effectivement, il y avait un aspect inédit qui était très agréable. Je parle pas de la concurrence ni de la qualité ou non de nos vidéos, ça peu importe. Je parle de factuellement. C'était il y avait un aspect d'autres gens dans votre univers. Ouais, il y avait un aspect nouveau qui était voilà. Et après la plateforme a changé, beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus de Fit and Fun, c'est quand même JDG qui a donné ce nom, faut le rappeler. Mm-hmm. Fit and Fun qui est devenu un peu un terme. Mm-hmm. Et qui est un vrai terme qui vaut parce que un vrai terme dans le sens où ça a du sens. Ouais. Donc le premier point pour moi c'est que YouTube a changé et que on doit s'adapter, c'est aussi simple que ça. J'imagine peut-être la plateforme la notion de podcast un jour ça va évoluer, ça va devenir autre chose, tu vois. Mmh. Et vous aurez peut-être des questions à vous poser. Ouais. Nous c'est ce qui s'est passé. Merde, voilà ce que c'est les vidéos YouTube, les créateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, inviter des guests, ça n'impressionne plus personne. Mmh. Faire des trucs surproduits ou ultra produits, les gens voilà, mais même pas tant les gens, même nous on était là bon bah oui. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Ouais, c'est vrai, en tant que viewer, maintenant, t'es plus ultra choqué quand il y a énormément de pognon à l'image. Et tout, pour corroborer ça, en fait, ce qui était intéressant à l'époque où on a commencé à recevoir les premiers guests et tout, mais c'est pareil pour tous les créateurs et créatrices qui reçoivent des guests, mais c'est de dire, en fait, on reçoit, mais ce qui est intéressant, c'est de rester nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça révèle sur notre univers ou sur notre relation, ou tu vois, c'est ça qui est drôle à l'arrivée. Et chez les gens, et chez les guests. Ouais. Bien sûr, et chez les guests aussi, mais du coup, en relation avec ça. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, on va pas l'inviter pour ça, mais on va l'inviter parce qu'il faut absolument inviter quelqu'un, parce que maintenant, tout le monde fait des grosses vidéos. Mmh. Et en fait, tu prends un risque de perdre cet aspect qui est finalement le plus important. Oui. Qu'est-ce qui, tu vois, et c'est ce que vous faites là, hein, le Floodcast, c'est que ça. Mmh. C'est-à-dire c'est que vous restez connecté à un truc simple qui est vous, peu importe les gens qui viennent. Il n'y a pas d'obligation. Mmh. Et c'est ça qui change tout, en fait. Je dirais un peu qu'on s'est fait avoir toute proportion gardée. Hein, parce que les vrais problèmes, pour moi, sont les points d'après. Mmh. Ça, ce n'est pas un vrai problème. C'est plus une problématique, un truc à étudier, tu vois, mais ça va. Mmh. Mais on s'est fait avoir notre propre jeu là-dessus. Mmh. Tu vois, hein, et on a pris nos pieds parfois sur des formats beaucoup plus simples et cool que sur des énormes trucs, tu vois. Voilà, ça, c'est la réflexion sur la plateforme. Le deuxième point, c'est les réseaux sociaux, évidemment. Alors attention, c'est pas tellement le jugement sur les vidéos, c'est normal, et ça c'est depuis le Fat Show ou même Golden, des gens qui aiment et qui n'aiment pas les vidéos. Complètement normal, moi ça va. Mais franchement les gars, sincèrement, au bout d'un moment, alors évidemment, enlever les réseaux, ça règle vraiment la moitié du problème, c'est vrai. Sure. Mais il y a une vraie addiction et tout. Et moi, c'est pas tant le jugement sur la qualité du travail, je suis particulièrement chiant, exigeant et plutôt fier de nous globalement, il n'y a pas de souci. Mais... ça peut paraître con, hein, mais les insultes et le respect, en fait, j'essaye de schématiser à des gens à qui j'en parlais. Imagine que chaque jour, on vient te souffler à l'oreille. Tu vas un peu le chercher parce que tu te connectes, mais peu importe. Il y a une voix qui arrive. Fils de pute. Ouais. T'es le cancer. Gros rapport à l'oncologie. Hein, sur t'es le cancer de YouTube. T'es qu'une grosse merde. Et tous les jours, vous puez la merde. Vous puez la merde. Vous êtes nul. Je vous déteste. Je vous hais. Oh, eux, je les hais. En plus, ouais. Quand c'est décorrélé, c'est encore pire. Quand c'est le poste d'un autre, eux, je les déteste et tout. Au début, ça passe. Mais au bout d'un moment, t'es là. Bon. Et en fait, moi, ça touche à une notion. On a des enfants et tout. De respect et d'éducation. Et moi, là, je trouve ça grave. Et la question qui m'a beaucoup pris la tête, et j'ai toujours pas la réponse, c'est est-ce que. Dans la vraie vie, c'est un bonheur. Franchement, alors je sais pas si c'est une autre communauté ou les gens, ça fait des années que c'est un putain de bonheur. Et il y a aucune démagogie, je m'en bats les couilles, je te dirais. Hein. Il y en a deux, trois qui ont une mauvaise haleine, mais globalement, c'est génial, mec. Ouais. Ce qu'on reçoit des gens, ça n'a pas de prix. Je trouve ça dingue. Et je te dis pas, c'est pas des gens qui disent je vous adore, c'est juste un échange, une tendresse, un truc qui est super agréable et tout. Personne ne nous a donné de haine ou de malveillance, personne, jamais. Je peux pas te dire mieux, c'est factuel. Tu te rends compte? Versus les réseaux où il y a des gens qui te kiffent, il y a pas de souci, les commentaires globalement sont cool, rappelons-le, c'est vrai. Ouais. Mais la petite voix que j'ai dit tout à l'heure, nique ta mère, vous êtes le cancer de YouTube. Et je me dis, est-ce que les gens sont vraiment comme ça et se lâchent sur les réseaux, tu vois? Ou alors ils sont pas comme ça et il se passe un truc étrange sur les réseaux, notamment Twitter. Je sais pas ce qui se passe de manière anthropologique. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement pour que les gens en viennent à de tels termes? Et ça rejoint peut-être le sujet de tout à l'heure de vouloir. Ouais, tu vois, c'est bah, tu vois, Big Flo, il disait dans une chanson maintenant détester Big Flo et Oli, c'est démodé là. Tu vois, à un moment c'était. Alors, il y a les vrais gens sincères qui aiment ou pas nos contenus. C'est juste sincère. Oui. Tu cliques ou pas et tout. Rappelons que c'est gratos en plus, tant mieux. les gens qui nous. C'était la mode de nous kiffer un moment très fort. Après, j'ai vraiment ressenti, même si peut-être il y avait des vidéos qui ont moins plu, mais c'était vraiment la mode de nous défoncer, tu vois. Ouais. Mais à un niveau vraiment vénère. Ouais. C'est moi, nous, on s'en sort bien. On est vraiment meilleurs potes. Nos femmes ont un recul. Moi, Erika, s'en bat pas les couilles de ma santé mentale. Ouais. Mais les vues, les guests, elle a. Oui, bon, elle vient. Et c'est super. On a un recul trop bien. Mais c'était à un niveau hyper sévère, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ça a été bien de faire une pause de ça. Ça, c'est un truc qui fait du bien de se dire, bon, pendant 2 mois, je suis pas le centre d'intérêt d'une partie des gens. Mmh. Et que ce soit positif ou négatif, bon, le négatif étant bien sûr beaucoup plus destructeur pour des raisons évidentes. Ouais. Et voilà, et comme on est une première génération à vivre tout ça, c'est pas prêt, donc on sait pas comment encaisser ça. Franchement, je n'ai pas encore pour moi, la seule solution, c'est d'arriver à se détacher du jugement des autres. Mais je dois avouer que c'est hyper dur. Bah, puis d'autant plus dans un métier de divertissement ou même artistique, c'est quand même extrêmement lié au regard des autres. C'est est-ce que ce que je fais plaît ou pas. Donc je comprends que ce soit. Mais un moment, je crois, pour le salut de notre intérieur, de notre mental et tout ça, c'est quand même de lâcher prise. Tu vois, moi, je vois tous les contenus que je regarde aujourd'hui, qui sont énormément des humoristes américains qui font du podcast ou quoi, ils en ont strictement rien à foutre. Et ça se sent qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Ouais. Et au moins. Tu sais, quand tu dis ça, tu dis bah ils pourront encaisser ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas, ça te met une forme de légèreté en tête qui est bien agréable quand tu regardes. Oui, parce que ce qui est important pour toi, et c'est normal vu qu'on t'insulte directement, ne l'est pas dans la vie de l'autre qui lui a fait ça entre bouffé, épicé et a mis ça sur un jeu et se rend même pas compte. Non. C'est le fameux. Je sais plus à qui on en parlait. Ça, c'est quelqu'un qui. C'est très juste. Dès que tu c'est pas une. Encore une fois, c'est pas pour nier toute critique, hein, parce que voilà, il y a des gens aussi qui vous critiquent parce qu'ils ont un avis, etc. Mais. Quand tu commences à demander à la personne qui t'insulte, mais pourquoi tu fais ça, etc., qui dit, oh, je sais pas, j'ai dit ça. Enfin, il n'y a pas de volonté. D'un coup, tu deviens réel, la personne dit, oula, attendez, calmos. Même parfois, vrai, il dit, ah non, mais désolé, je t'aime trop, en fait, mais là, c'est sûr, drôle de façon de le montrer, mais. Il y en a, c'est sûr. Je pense qu'il y a un peu un truc de. Mais tu le sens même, moi, je commence à le sentir, mais des fois, les gens dans la rue, ils t'arrêtent, ils disent, oh, j'adore tout ce que tu fais et tout. Et je suis sûr, tu gratterais 2 secondes, tu dirais, t'adores ce que je fais, ok? Est-ce que t'as pas mis un jour un truc horrible? C'est sûr que oui. Ouais. Faut arriver à jouer avec ça. Ouais. Cette partie-là fait du bien de se stopper. C'est pour ça que, en fait, la contrepartie à ça, c'est que tu prends ton pied. C'est-à-dire que tu dis, ok, il y a la pression des réseaux et la vie des gens. Mais versus, je prends mon pied vraiment et je m'éclate et je fais un truc qui me plaît. Si du coup, par contre, tu commences à perdre un peu le plaisir par obligation dans ton côté artistique. Là, le rapport, il s'est trop déséquilibré. Mais j'ai une question, et d'ailleurs, c'est une vraie question où je n'ai pas du tout la réponse, donc je me pose moi aussi. Est-ce que justement, le premier point et le deuxième point que tu abordais sont pas liés? Est-ce que c'est pas aussi le fait de dire, quand tu sors du contenu où effectivement tu es à une course, un truc, donc tu te casses le cul 1000 fois plus qu'avant, pour un truc beaucoup plus dur qu'avant, avec la fatigue qui s'accumule, la longévité, des fois sur des vidéos ou quand vous la sortez, enfin vous êtes battu parce que, je sais pas, il y a des choses à rattraper au montage, ou des choses comme ça, et d'un coup en face. Il y a de la rage, est-ce que c'est pas ça aussi qui est difficile? Est-ce que si vous sortiez des trucs un peu plus à la cool et que les gens ils disent bon c'est de la merde, est-ce que c'est pas moins violent aussi? Alors les deux sont, en fait c'est lié totalement, bien sûr, mais maintenant en fait même si on sortait un petit truc, c'est pour ça que je dis il y a des polémiques partout, même si on sortait un truc humble, j'en sais rien, un truc vraiment posé, peut-être que les gens quand même, les gens qui ragent sur Twitter, donc qui sont là un peu pour faire du buzz etc, trouveraient quand même le moyen de, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça te toucherait autant? C'est ça ma question plus. Non, bah là après c'est, enfin, là, c'est aussi on parle de maintenant, donc il y a eu un travail de fait, mais là c'est aussi le job, bien sûr, c'est totalement vrai, c'est un peu vrai, un peu vrai. Moi je suis choqué par la malveillance et la violence de certains propos, clairement, mais c'est un peu vrai que si t'enlèves ça, ça ne te touche pas. Je viens de vous dire que dans la vraie vie ça n'arrivait pas. Par définition, j'enlève Twitter, c'est quasiment ça en fait. C'est fini. Donc voilà, donc voilà, en voilà fait, ma réponse. Faut arriver à dire bah tant pis, je vais arrêter de regarder forcément la vie des gens. Ouais. C'est quasi impossible, mais faut arriver un peu à le faire. C'est très dur, mais une fois que tu le fais, à mon avis, c'est un peu plus. Bah ça permet d'avoir du recul. C'est pas nier la critique, c'est plus effectivement lever la tête du truc du problème quoi, de dire laisser passer le temps la remise et voir. En cause c'est génial et on le fait beaucoup, enfin c'est un truc que je fais beaucoup, mais le définition d'une remise en cause c'est que c'est pas constant, t'es obligé des fois de t'arrêter, ouais, et pour dire bon là j'ai fait je sais pas un certain temps sans me remettre en cause, là je m'en mets en cause, mais si c'est constamment c'est juste une pollution mentale qui ne s'arrête jamais, ça c'est pas possible. Il y avait un troisième point. Bah oui, le troisième point du coup c'est mon fils, donc j'ai eu mon fils en janvier, Yannick, qui est né. Alors déjà pendant la grossesse, on a appris qu'il avait un rein dilaté, donc un problème de rein. Il y a un nom très précis, j'ai pas le terme. Donc ça va, enfin ça va, non, c'est grave et chiant, mais ça se gère, mais ça te met une pression. Donc tout ça arrive au même moment pour le point 1 et 2 là, tout ce rapport à YouTube, etc., au réseau. La notoriété aussi, parce que ça c'est un vrai point. Mais bon, le podcast va durer 6 heures sinon. Ouais, et après en fait on a appris, je vous la fais courte, il est né, on a appris qu'il avait la maladie d'Hirschsprung, que je salue d'ailleurs, une maladie qui nous regarde, qui nous écoute probablement. Oui, elle envoie souvent des DM. Et ça c'était c'était chaud, enfin c'était horrible en fait. Enfin, comment tu peux peut-être expliquer juste Hirschsprung, c'est effectivement une maladie du côlon. En gros, ton côlon, qui est quand même un tuyau en gros qui te permet d'amener la merde d'un certain endroit au trou de balle, ne marche pas. Et on dirait que c'est que un problème de tuyauterie vu comme Il marche pas à certains endroits uniquement, c'est ça? En fait, ça dépend. Effectivement, soit c'est complet, soit c'est une forme complète, ça s'appelle forme longue ou forme complète, qui est la plus dangereuse, qui peut être catastrophique. Donc c'est-à-dire que le tuyau ne marche pas du tout. Oui. L'analogie marche bien, un tuyau. En vrai. Bien sûr. Soit c'est une forme courte. Oui, en gros, le truc, c'est que en fait, les intestins et le côlon, ils font un mouvement qui permet d'acheminer la merde. Et donc là, dans ce cas-là, le mouvement ne se fait pas et du coup, la merde n'avance pas. Voilà. Le péristaltisme, précisément. En gros, imaginez une autoroute ou un périph. Je suis parti, il y avait le tuyau, mais là, je suis parti. où il manque un tronçon. Il manque juste un tronçon de route. Il manque du tuyau. Et il y a la forme courte, qui est moins grave, mais qui est très chiante aussi. Puisque la merde ne peut pas sortir, tout simplement. Et donc, avant d'avoir ce qu'on vient de diagnostiquer ensemble, ce qu'on vient de décrire, tu ne le sais pas. Ouais, et donc, le ventre, ton bébé a son ventre qui gonfle, mais à un niveau burlesque, quasiment cartoonesque. Okay. Et donc, c'est dingue de voir ça visuellement. Ouais. Et vous savez, c'est ces moments où, vous savez, dans la vie, où il y a un truc grave qui arrive. Et au début de ce moment, il y a du déni quoi. Ça existe pas. Tu sais que c'est un truc grave et t'es là ça existe pas, ça va, et donc limite t'attends un jour, t'attends le lendemain, et en fait dans cette même période tout ce qui sortait de ses fesses c'était du sang, ce qui est là visuellement, psychologiquement vraiment chaud, et donc on se dit on va aller aux urgences, et après là je vous la fais courte, mais des mois et des mois aux urgences, franchement compliqué d'avoir le diagnostic. C'est là-dessus, moi, si je devais juste prendre la parole et essayer et tout, c'est là-dessus qu'il faut essayer de faciliter les choses, d'aider. Trouver vite le diagnostic, évidemment, comme dans chaque maladie, ça permet de s'en sortir plus vite, si on peut s'en sortir. Et là... Donc donner des moyens aux hôpitaux. C'est relié à ça. Et là, on a mis du temps et pendant des semaines, on ne savait pas. Et c'était ça le moment le plus hard. Et là, avec David, c'était un peu avant, mais genre, vas-y, on arrête tout, c'est pas possible, tu vois. C'était horrible, quoi. C'était très dur. Après, on arrive à l'hôpital Trousseau, que je salue. Incroyable hôpital du 12e arrondissement, c'est en bas à droite. en gros, pour les enfants, il y a Necker, Debré, Trousseau. Pour les parents qui nous écoutent, si vous avez une galère, vous allez dans un des trois, vous foncez aux urgences. Ça, c'est très parisien ce que je viens de dire, mais là, c'est mon système. C'est là où tu vis. Mais c'est les références, les trois références. Necker, Trousseau, Debré, bref, on va à Trousseau. Le soir même, le chirurgien, Docteur Soutif, que je suis obligé, qui s'appelle Docteur Soutif. Déjà, qui est une légende, qui est un ange pour nous. Ouais, vraiment, tu vois, parfois, c'est vraiment incroyable. On peut dire que c'est un saint. Oh, bah oui. C'est superbe. Écoutez, parce que ça, pour le coup, ça vaut son pesant de merde. Mon fils est là, donc Yannick, avec son ventre très gonflé, et le docteur arrive, c'est probablement ça. Laissez-moi faire un truc. Il lui met un tuyau dans l'anus. Vraiment le principe du lavement simple, tout est dans la tuyauterie, c'est vraiment la plomberie, en même temps c'est le corps humain, c'est ça. Il lui masse le ventre, on pourrait tous le faire, il le fait mieux, et avec beaucoup plus de confiance et de mots, et là les gars, et j'ai la photo, je vous la montrerai après. Adrien, je te montre on pas. Vous la met en ligne. Vous savez quoi, on la postera sur le compte du podcast. On met un petit mais je crois que c'est la vignette de votre vidéo de retour. Le mot vignette, attention. Je sais pas, je connais rien à YouTube. J'ai arrêté de regarder depuis deux ans. Moi j'ai encore un vignette. Parce qu'il faut pas dire vignette. Si. Miniature, on peut dire. C'est moi qui suis, insupportable. Les deux termes peuvent coexister sur la ligne. Tout à fait. Non. Il a dit non. Si. Dire deux fois si pour être plus fort que le nom. Non. Il lui fait. Je vais pas surenchérir. L'aperçu YouTube. Non, pire que tout. Il lui fait ça, et là, la merde. Franchement, pendant 5 à 10 minutes, le petit, ça évacue. Et d'ailleurs, c'était hyper satisfaisant. Ouais. C'est-à-dire que ça, il a repris des couleurs, il s'est vidé. C'était infini. On était là avec Erika, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez acheté une pièce. Et on avait une petite pièce dans la merde. Il y avait plein de touristes. C'est énorme. On a mis la petite bouteille en verre, là, on en a à la maison, c'est super. Et voilà. Et donc, il y a eu un soupçon d'Hirschsprung, parce qu'on doit confirmer, tu peux pas juste dire c'est ça à ce niveau-là de gravité. Et c'était confirmé les semaines d'après. Je remercie les gens. Bah, l'hôpital Trousseau, c'est incroyable. Les infirmières, les auxiliaires, les docteurs, c'est monstrueux. Le level, la gentillesse, la bienveillance. Les gens sur les réseaux, pour le coup, parce qu'il y a quand même des points positifs. Bon, il y en a eu plein pour nous dans notre vie, évidemment, des points positifs sur les réseaux. Mais là, les gars, le nombre de témoignages que j'ai eu de gens qui nous ont aidés véritablement. Voilà ce qui peut se passer, voilà ce que vous devriez faire, voilà comment il faut se comporter. C'était un truc de fou. Et donc voilà, et donc opération prévue quelques semaines plus tard. Ça met du temps, tout ça. Opération qui a duré 5 heures, qui s'est très bien déroulée, convalescence, qui s'est très bien déroulée aussi, par chance. C'était une forme courte d'Hirschsprung. Oui, donc il a pu être opéré, c'est ça? Voilà, et c'était 20 à 30 cm, tu vois, il y a un petit tour. Mais bon, à ce moment-là, il a quoi? Il a quelques semaines, quoi, c'est ça? Ouais, il a deux mois, trois mois. C'est ça, c'est quand même... Et du coup, c'est drôle, moi j'ai eu une hernie inguinale, et donc c'est une opération, j'ai oublié le nom. Certains ont le nom, probablement, où on te fait deux trous de part et d'autre du nombril. Il y a un nom que j'ai oublié, ça m'énerve, je le retrouverai. Et mon fils a ça, du coup. Vignette. Tu fais une vignette au niveau du bide. Et voilà, bref. Et donc il va bien. Ça s'est hyper bien. Ça s'est bien déroulé derrière. C'est une histoire qui finit extrêmement bien. Donc voilà. Pour le petit Yannick. Et qui a remis les points sur les i concernant nos réflexions. Quand même. Et donc là, normalement, vous revenez quand à peu près? C'est très difficile de dire exactement. Vous n'avez pas acté quoi dans votre... Vous pouvez le dire, mais vous avez un peu un... Oui. On a acté des choses. Il y a plein de trucs factuels on a publié même sur les réseaux. Même sans rentrer dans le détail, on vient de se prendre un vrai endroit parce qu'on n'avait plus d'endroit. Ouais. C'est un truc qu'on n'avait plus le temps de faire. Plus de studio, plus rien depuis deux ans. C'était bizarre de plus avoir de lieu. Et donc là, on a pris le temps de visiter, de trouver, etc. Et donc, il y a des choses qui se préparent et sont hyper, hyper excitantes. Et on a trop, trop hâte en vrai parce que... Voilà. Mais maintenant, en vrai, pour répondre à ta question, c'est symbolique avec vous, notre retour, parce que maintenant vous avez quand même une audience de grande ampleur, d'ampleur vraiment. On voulait en parler avec vous. On n'a pas les détails ici de toute la DA et tout, mais juste, on est de retour et ça passe par vous, on trouve ça cool. Bah ça fait plaisir. Cuitochette, je t'ai attrapé. Du coup, c'est bon. Oui. T'as gagné là. T'as gagné. On a fait vraiment juste pour que je puisse vous attraper. Ah, c'est juste ça. L'émission n'est pas diffusée. Ah, d'accord. Du coup, c'était très fort ce que t'as dit, mais personne n'entendra jamais. Putain, merde, dommage. Par contre, astucieux de ouf. C'est surprenant. Avant de se quitter, c'est le moment des recommandations culturelles. Si vous avez aimé un... Oui, j'ai oublié de vous le dire. Je vais commencer parce que moi, ça peut être un peu long la mienne. Voilà, donc je t'en supplie. Si vous avez un truc, en tout cas, juste pour rappeler. Merci, oui. Je sais que vous n'allez pas écouter parce que vous réfléchirez. Il n'y a aucun problème. Pour rappeler ce que c'est, voilà, quelque chose que vous avez aimé culturellement, que ce soit un film, une série. Oh, un petit manga, toi, t'adores ça. De toute façon, oui, mais vous allez me charrier. Les mangas, là. Pas du tout. Arrête. Si, vous êtes manga assiste. Raphaël Charrier. Alors, oh. Non. Bien sûr, tiède, mais on prend quand même. Le robinet, là, au milieu, le mitigeur. Au passage, est-ce que vous trouvez un seul intérêt à avoir encore les robinets où il y a le chaud et le froid au lieu d'avoir un mitigeur ou tu... Non, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un seul intérêt? Non, j'aime pas. Voilà. J'aime plus. Ça pourrait être un aspect. Le seul intérêt pourrait être un aspect esthétique. Ouais. Je suis d'accord. Ok, mais pour moi, ce genre d'utilisation, le pratique l'emporte haut la main. D'ailleurs, ils ont fait. C'est beaucoup, Disney qui a fait ça. Ils ont fait une version très évoluée en 4K de Tic et Tac. C'est esthétique et tac. Oui. Ah, il y a eu un petit oui quand même. Disney Plus, une très belle plateforme. Je suis obligé de. Ah oui, c'est un film qui va sortir. Ouais, voilà. Pour ça. Adrien, je t'en supplie. Alors, moi j'ai passé mon week-end à jouer au dernier Zelda. Ça n'est pas ma recommandation, même si je le recommande. Mais pour l'instant, je me régale. Un très bon jeu. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que. Non, je ne vais pas raconter ça. Bref, il y a une mécanique du jeu dans le nouveau Zelda qui est que on peut combiner des éléments pour fabriquer des choses. Oui. Tu mets des roues sur un truc, nanana, et tu as une certaine forme de liberté dans ce que tu peux fabriquer. Ce que j'adore, moi, et ça me fait penser à un jeu qui est peut-être un de mes jeux préférés, enfin, c'est sûr même, jeu préféré ever de la life, dont j'ai Mario. Mario. Non, non, dont j'ai jamais parlé. Alors, c'est à la base, mais moi j'y jouais il y a, je sais pas, plus de 10 ans à la base, qui était un jeu en flash à l'époque, qui s'appelle Fantastic Contraption. Je crois que j'en ai jamais parlé dans le Floodcast. Et en fait, alors, les graphismes, il n'y a pas plus immonde que ça. C'est un jeu en 2D, c'est un jeu en flash. Les graphismes sont infects. Donc, c'est vraiment pur gameplay. C'est vraiment que dans le gameplay, mais c'est ce que j'adore. Pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment oui. l'essence du jeu vidéo, c'est le gameplay. Quand on dit oui, mais l'histoire est bien. Oui, mais j'ai tellement d'autres supports pour avoir de belles histoires. Le jeu vidéo, il n'y a que là, c'est okay. l'intérêt. Bon, bref. Je dis vague, hein. Ça vous laisse du temps pour trouver, peut-être. Ça y est, allez, mais bah j'arrête, c'est bon. non, et en gros, le principe de ce jeu, il y a un niveau en 2D avec des reliefs, des obstacles, des trucs, etc. Et à gauche, généralement c'est à gauche, il y a une zone bleue dans laquelle il y a, d'ailleurs, l'objet n'est peut-être même pas toujours forcément dans la zone bleue, un petit objet rose. Et à droite, en tout cas, un autre point du niveau. Parce que non, je dis à droite, mais ça peut être au-dessus, non. Mais en tout cas, un autre lieu de ce niveau, il y a une zone rose. Et à notre disposition, on a plusieurs éléments qui sont des moteurs qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, un moteur qui tourne dans l'autre sens, moteur slash roue, des roues motorisées plutôt, une roue libre, un joint pour relier deux choses ensemble en bois. Qui sont donc solides et qu'on ne peut pas traverser, et ce qui s'appelle, je crois ils appellent ça des joints d'eau, donc c'est un truc, voilà, c'est, dans la réalité ça ne pourrait pas exister, ouais. Donc tu peux relier deux choses ensemble, mais elles peuvent aussi croiser des choses solides. Mmh. C'est tout, et le but du jeu c'est fabriquer une machine qui va amener l'objet rose dans la zone rose. Énorme, ah, et oui. j'aime beaucoup. Tu as liberté totale en utilisant autant d'éléments que tu veux. Donc tu peux dire, bah, je vais fabriquer un petit véhicule qui va prendre l'objet, rouler et l'amener dans la zone rose. Tu peux aussi dire, je vais fabriquer une catapulte avec le truc. Tu peux créer tout ce que tu veux, t'as la liberté totale. Et c'est génial, moi ce jeu j'y joue depuis... Parce que maintenant il y a une version sur Steam, parce qu'il y a eu aussi un 2, et donc je crois que ça coûte 9€ pour avoir le 1 et le 2 sur Steam. J'adore ce jeu, j'y joue sur Twitch parfois. C'est le moment où quand je lance le jeu, je perds la moitié des viewers, mais c'est pas grave. Mais parce que je kiffe ça. Et c'est vraiment un jeu génial. Et donc en gros, l'anecdote que j'ai pas racontée tout à l'heure, c'est juste que je disais, ça pour moi, c'est la liberté totale. Ah, et je disais, le crafting dans les RPG, les trucs comme ça. Au départ, quand c'est arrivé, ça m'a excité. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est juste, oui, bah en fait, tu t'appliques des recettes préétablies. C'est pas très intéressant en fait. Et je me disais, si jamais un jour on a la liberté qu'on a dans ce jeu, même un dixième de cette liberté dans un RPG, où ils te disent vous pouvez fabriquer des trucs. Voilà. Et les gens, j'ai dit ça sur Twitch, les gens m'ont dit bah c'est un peu ça le dernier Zelda. J'avais vu aucune bande annonce. Ah, oui, voilà. J'ai regardé, j'ai dit oh, je l'ai précommandé tout de suite. Et effectivement, il y a une certaine liberté qui est assez plaisante dans le jeu, même si pour l'instant j'ai pas encore vraiment eu l'utilité précise de cette liberté. Ouais. Mais c'est kiffant quand même de fabriquer des trucs et tout. Et... Partant de cette base, quel est ton rapport à Minecraft ? Pour moi, Minecraft, ça a été... quand j'ai joué pour la première fois à Minecraft, je me suis dit, on est un point de départ d'un nouveau truc dans les jeux vidéo. Une espèce de... Mais parce que pour moi, c'est les jeux vidéo que je préfère, c'est voici les éléments à ta disposition et liberté maintenant, fais ton plan toi-même. C'est pour ça que je déteste GTA. Enfin, je déteste GTA. Je m'amuse à jouer à GTA, etc. Tu kiffes quoi ? Il y a une grande liberté. J'adore. GTA. J'ai dit je déteste. Non, mais j'aime bien. Mais j'y joue très peu. Au bout d'un moment, je me lasse. Pourquoi ? Parce que GTA, c'est. Ils te disent ouais, monde ouvert, t'as une liberté totale. Mais dès lors que tu veux faire l'histoire du jeu et faire le jeu en lui-même, ils te disent alors, allez vous mettre à tel point. Précisément jaune pour démarrer la mission. Tu vas te placer et pas ailleurs. Hein. Tu vas te mettre à tel endroit. Quand tu te mets à tel endroit, ils te disent alors maintenant, allez à tel autre endroit. Ouais. Et en fait, c'est que ça. T'es sur des rails, tu dois faire exactement ce que le jeu te dit de faire. Donc il n'y a pas de liberté. Dès lors que tu commences le jeu, il n'y a plus de liberté. Alors que Minecraft, pour moi, c'était l'inverse de ça. Mmh. Même au début, quand on jouait à Minecraft, on savait même pas qu'il y avait une fin et un but. Tout à fait. Et on kiffait. Et c'est moi, j'ai joué à Minecraft, mais comme un fou, à construire des trucs, etc. Et au bout d'un moment, on m'a dit, vous savez qu'il y a un but à ce jeu ? Je dis, ah bah, je savais pas, mais je le fais déjà, quoi. Et pour moi, plus on va tendre vers ça, plus c'est donner les clés aux joueurs et aux joueuses de faire comme ils l'entendent, et plus ça va être kiffant, les jeux vidéo, quoi. Donc voilà, Fantastic Contraption, graphisme infâme, mais une liberté totale. Il faut, j'ai conscience, c'est pas pour tout le monde ce jeu, parce que c'est vraiment, faut se creuser la tête et modifier les trucs et tout. C'est un peu faut être un tryharder, un peu, j'ai envie de dire. Avec un côté, il a les termes, dis-moi, il a les termes. Un côté, tu vois, un esprit d'ingénierie, un peu. Mm-hmm. Mais j'adore ce jeu, voilà, donc c'est Marocco. Très bien. David, ouais. Alors moi, c'est pas ça va être un humoriste. Ouais. Parce que depuis dans cette pause, j'ai beaucoup consommé de stand-up. Je sais ce que tu vas dire. C'est vrai. TS. Non. Allez. Non. Mais j'aurais pu, mais je voulais un truc un peu plus pointu. C'était Tom Segura. Je suis allé voir Tom Segura récemment. Donc, il est un humoriste américain. Tu connais J'ai regardé deux de ses spectacles du coup. Quand ouais. Tu m'en as parlé. J'ai kiffé. Et franchement, donc il est venu. Il a fait une tournée mondiale. En ce moment, il est passé à Paris, à l'Alhambra. J'ai pu avoir des places et c'était. C'était mortel, mais vraiment mortel. Mais parce que, en fait, j'aime à quel point ces gens qui montent sur scène ont une forme de je m'en bats les couilles, je vais tout vous livrer ce qu'il y a au fond de moi, même la merde, même ce qui est inavouable, et tant pis, c'est pas grave, c'est ça, je suis comme ça. Je dis pas que c'est super, mais on en rigole ensemble, et en fait, tout le monde en rigole. Ouais. Et ça te libère vachement. Donc, moi, je trouve que c'est un espace de création, actuellement en tout cas, qui est vraiment, vraiment génial. Moi, ce que j'apprécie, c'est justement, comme tu disais, des gens, mais même des gens comme Bill Burr, où t'es pas toujours d'accord avec eux. Mais il faut pas. Mais ils savent toujours. Tu vois, Bill Burr, des fois, il te dit un truc, tu fais ah putain, et après il dit ah non, mais je suis une merde de penser ça, et je travaille sur moi, et machin. Exactement. Et tout. Enfin, il y a vraiment une espèce de de nuance, en fait, exactement. Tout simplement. Exactement. Qui est parce qu'on n'est pas parfait, personne. Exactement. Et oui, tous des merdes, en fait. Les réseaux, les problèmes des réseaux, on en parlait avant, et nous sont quand même. Tu vois, les nuances sont un peu plus difficiles en ce moment. C'est une période, je pense que ça va changer. Et donc voilà, j'ai découvert un mec qui s'appelle Julien Santini, qui est un jeune humoriste et tout, que je suis allé voir dans le plus petit théâtre de Paris, dont j'ai oublié le nom malheureusement. La loge, non, c'est pas ça, non. Oui, c'est ça, ouais, la petite loge, c'est ça. Il est fort. Donc il y avait 12 personnes et tout, et je trouve son univers assez fou, justement. Tout n'est pas parfait, mais dans cette imperfection, il y a quelque chose d'hyper touchant. Il est complètement barré, il fait des voix, c'est très, très particulier. C'est pas du tout un truc qu'on a déjà vu. Ouais. C'est ça que j'aime bien, c'est la singularité. De ce gars, et voilà, je vous encourage à aller voir en gros des humoristes que vous aimez bien. Il y en a beaucoup. J'étais vous dire, le dernier, Roman Frécinet, qui est pour moi un niveau monumental. Et donc Julien Santini, voilà, donc big up à lui, et j'espère que ça plaira aux gens. Bah, super, super. Raphaël, E.T. c'est un film. Oui. ET précisément. C'est pas parce qu'il y a vraiment juste un truc de E.T. juste en face de toi là. Non, mec. Ok, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment. Dis-nous un autre truc. Bel ami de Maupassant. C'est un bon bouquin, mais pareil, on dirait que t'as lu un truc qui était dans ma bibliothèque. Je sais pas. Qui est face à toi. C'est Usual Suspect ou J'ai la berlue. Très très bon, très bon sketch là de Key & Peele, la parodie je sais pas si vous l'avez vu. Toujours pareil, moi mon running gag avec Key & Peele, c'est que j'ai l'impression d'avoir passé des nuits à regarder. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, tu le connais celui-là? Je dis, ah bah non, je l'ai pas vu. Ouais. Combien ils en ont fait? Faut qu'on le regarde. Juste après, on le regarde parce que je pense que tu vas kiffer. Après, on doit y aller. Les Gremlins, non, toujours. Bon, allez, non, t'as rien? J'adore. T'aimes bien les mangas, toi, Adri? J'en ai lu très peu, mais j'avais lu Dragon Ball à l'époque. Très bon manga que je conseille. Je sais pas si vous connaissez. Je conseille Le Sommet des Dieux. J'ai mis une petite story la dernière fois. Ah oui, non, mais dès que j'adore, je mets. Positif. De Jiro Taniguchi, après la prononciation. Ah, c'est lui, c'est Taniguchi. Oui. Taniguchi. Quartier lointain. Oui, tout à fait. Ah, je connais un peu. Bien, bravo. On dit que c'est le plus européen des mangaka aussi, on dit. Et on le dit avec cette voix ou... Oui, obligatoire. Non, et Le Sommet le petit des connaisseur, dieux. Là. Salut, je suis un connaisseur. Et il y a un petit rapport, finalement, quand on pense à Inox qui veut gravir l'Everest. C'est vraiment une histoire d'alpinistes qui veulent gravir l'Everest. Et c'est absolument génial. Rapport. Oui, énorme rapport. Dans le bouquin, le mec s'appelle Inox. ça vous mettra peut-être une petite puce à l'oreille. Bah, écoutez, mais je pense que c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et je lis beaucoup de mangas. Ouais. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, le format n'est pas habituel pour un manga. Il est un peu épais, il est grand, il est large. Il se lit quand même de droite à gauche et il est en noir et blanc. Il y a 5 tomes. Si vous commencez à lire, vous ne vous arrêterez pas, je pense, je vous le conseille, vous allez juste tellement kiffer. Et donc juste vite fait, je vous raconte pas trop l'histoire, mais on parle d'alpinistes qui veulent gravir l'Everest. Il y a plusieurs manières de gravir l'Everest. C'est comme le Mont Blanc, mais en plus dur. Mais tu peux, exemple, le Mont Blanc, tu peux le faire. Il a taclé Gilles-Si là, allez, bam. Non, bah, c'est plus dur que toi, Winchep. Winchep, il a gravé le David Mont Blanc. Beaucoup l'ont fait, mais il y a une manière. Plus ou moins, il y a des manières touristiques, il y a des manières de performeur. Gilles-Si l'a fait en se pissant dessus. Donc. On le salue. La meilleure des manières pour moi. Gilles-Si qu'on salue, qu'on aime très fort d'ailleurs. Le plus beau des youtubeurs pour moi. Un pharaon. Je le trouve effectivement très beau. Il est très très beau. Mais là, la digression est absolue. Très beau, très drôle, voilà. Non, mais on le salue. Non, mais en faisant des compliments, mais on peut. On lui demande. On l'appelle. Voilà. On peut l'appeler. Vous voulez l'appeler maintenant? Non, non. Alors, on va l'appeler. J'aime pas ça. J'aime pas les coups de fil, là, vos trucs. On appelle les gens au hasard, là. J'aime pas. Je comprends. Et en l'occurrence, il y a plusieurs manières de gravir l'Everest. Et des mecs se battent pour le faire une telle manière de la première fois. Vous voyez, une façon inédite. Oui, oui. Okay, il y a des alpinistes qui ne peuvent pas supporter de passer derrière quelqu'un. Ouais. C'est les grands alpinistes, des performeurs. Notamment, il y a les Alpes européennes, il y a plusieurs monts à 8000. Il y a eu des documentaires là-dessus. Bien sûr, il y a un mec qui on les appelle les 8000, donc c'est tout ce qui est au-dessus de 8000 mètres. Pourquoi on appelle les 8000 parce que c'est les parce que ils font plus de 8000. Oui, c'était c'est pas une vraie question, c'est là, j'ai raté ma blague. Non, mais c'est bien. J'étais tellement on les appelle, la réponse est tellement en fait, évidente. Le nom de base, c'est les monts qui font plus de 8000 mètres. C'était le nom. Mais ils sont dit bon. Et donc, en l'occurrence, l'Everest, je pense vous le savez, fait plus de 8000 mètres. Et ce mec-là, on suit dans le sommet des dieux un journaliste photographe qui s'est pris de passion pour Abou. Qui est un alpiniste incroyable mais un peu rebelle. Putain, j'aurais adoré. Je crois que c'est le singe bah de oui, Aladdin. J'aurais adoré. J'essaie de vous le vendre. J'espère allez, que les attendez, gens le ressentent. Tellement bien. Le mec est incroyable. Il est bourru, il est barbu, il n'aime pas parler aux gens, il est un peu misanthrope et il est fou de la montagne. Et il dit je vais gravir l'Everest de cette manière-là. Et en l'occurrence, la manière, c'est la face sud-ouest qui est la plus compliquée. En hivernal, versus après la mousson, versus le printemps, l'été, en hivernal, donc les conditions les plus dures. Ouais. En solitaire. Voilà, comparé à être avec des compagnons de cordée. Et sans oxygène. Solo, donc. Allez. Sans oxygène, ce qui est incroyable. Ah, quasi impossible. Ouais. C'est proche de l'impossible. C'est considéré, d'ailleurs, c'est très bien dit dans le manga. Basé sur une histoire vraie ou pas, je me permets de poser la question. Tu ne sais pas. Si, je sais, mais je ne peux pas vraiment. Mais il y a une partie du manga, oui, en tout cas, mais pas tout. Et ce photographe se prend de passion pour ce mec qui est incroyable, qui n'aime pas trop, d'ailleurs, que quelqu'un se prenne de passion pour lui. Il est très solitaire, il veut en parler à personne. C'est sa passion absolue pour plein de raisons et c'est génial. Et on se demande progressivement, c'est vraiment le principe du One Piece, est-ce qu'ils vont trouver le trésor là, est-ce qu'il va arriver. C'est considéré comme l'épreuve humaine la plus compliquée de la Terre, tu vois ce que je veux dire, de faire ça de cette manière là et c'est assez génial de suivre dans cette aventure. Donc la question, est-ce qu'il va y arriver ou non. Ok, c'est marrant. Ça m'a donné envie. Je me permets une digression, mais j'écoute moi beaucoup un podcast qui s'appelle le Cozy Corner. Là je les réécoute par ordre croissant inverse, du coup, bref. Et j'en ai écouté un, je crois, hier, donc un vieil épisode, et il était. Il parlait pendant très longtemps. C'est des gens, ils parlent de pop culture, mais de manière très globale. Et à un moment, il y avait tout un passage où il parlait justement d'escalade et tout, donc ça m'a fait penser à ça. Est-ce que t'as vu, toi, le documentaire Free Solo ? Free Solo. Tout à fait. Moi, je l'ai pas vu. Folie. Et voileux. Merci à toi. Ouais, mais c'est un peu. Ah, c'est angoissant, c'est un peu. Il y a un truc. Ah, c'est. Oui, c'est ce truc que tu regardes. T'as les mains qui transpirent, c'est terrible. Parce qu'il y a un côté aussi avec sa femme où il est un peu il dit en gros c'est l'escalade au-dessus de tout, quoi. C'est ça un peu le mec. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de oui. Il y a de la souffrance humaine un peu qui se mélange. Il y a un vrai truc. C'est pour ça que ça raconte quelqu'un effectivement qui est obligé de se dépasser pour exister et au détriment de plein de choses. Moi j'ai pour l'anecdote. Écriture Groom saison 2, des auteurs, des autrices qui, enfin Sophie Marie et Robinson d'ailleurs, qui parlaient de Free Solo. Ils disaient t'as vu Free Solo? Ouais, non mais Free Solo et tout. Et moi je pensais que c'était un truc italien genre Free Solo. Et vraiment, c'est pas vrai. J'ai après free compris solo, que c'était non. Free Solo, qui est une c'est la façon de tu montes tout seul et sans être assuré, sans rien, sans aide. Ouais. C'est hallucinant. Sans mousqueton. Le Free Solo. Mais même pour nous qui sommes pas passionnés de ça, c'est fascinant. C'est un peu l'effet Formule 1 ou GP Explorer. Il y a un truc genre, c'est pas moi, c'est pas du tout mon kiff, mais c'est passionnant. Ah, t'as surtout tout le travail avec l'équipe qui doit filmer ça et qui est en même temps. Bah, qui sont aussi des alpinistes, enfin des escaladeurs. Alpinistes, alpinistes. Féru. Chevronné. Chevronné, ouais, chevronné. Et mais en même temps, ils sont là, oui, on veut te soutenir, et en même temps, on veut pas être, on veut pas participer à potentiellement ta mort, tu vois, ouais, la mise en scène de ta mort, quoi, c'est horrible. Donc voilà. Ok, donc Free Solo. Il y a un vrai truc. Ah, d'ailleurs, excusez-moi, dans le Sommet des Dieux, il y a des choses là-dedans, mais je vais arrêter sur le Sommet des Dieux. Non, mais très bien, tu m'as donné envie de le lire. Okay, on a rendez-vous avec Kian, et si on arrive à faire, on va sûrement faire la gueule. C'est déjà la fin de l'émission. Vous allez faire Hot Ones ? J'en fais une toutes les semaines, tout va bien, j'ai le temps de recommander des trucs. Vous allez faire Hot Ones ? Non. Je pense pas. Cela dit, j'aimerais bien, parce que j'adore non, les sauces piquantes. Là, maintenant, je vais dire. Non, on va pas faire Hot Ones. Je pense pas, le mec, il dit, bah, peut-être on va faire Hot Ones, là. Je sais pas. Nous a pas dit. Bon, eh, merci beaucoup d'être venu. Merci, et toi ? Merci, les gars. C'est la semaine prochaine. Moi, on est là toutes les semaines. Je ferai une reco pour la prochaine fois, c'est pas grave. Oh, il a pas de reco. Tu prends pour qui ? Allez, une reco, des beautés. C'est le dernier duel. J'avais prévu de vous parler du dernier duel, mais j'en parlerai la prochaine fois, c'est pas grave. Le manque de respect pour McFly et Carlito. Au contraire, plutôt les laisser en avant et les laisser partir car ils ont un rendez-vous. Bon, en tout cas, merci les gars. Rocco, là. Merci, je voulais les juste gars. Dire un bisous. Dernier truc. Allez, ciao. Alors, tout le monde. Bye. Je voulais dire, merci. Ciao. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.